best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Bon réveil sur Énergie, il est 6h, qu'on amène le coq. Et qu'on démarre cette nouvelle semaine. Soyez les bienvenus, c'est lundi, on est le 19 novembre, et oui, c'est une nouvelle semaine qui démarre, et oui, c'est une nouvelle journée qui démarre, et oui, ça y est, c'est tout, j'ai tout dit, on est déjà bien. La Brune Tessier arrive, il y aura aussi 3 cafés gourmands. Ah. Pour lancer la semaine, c'est cool. Ça arrive pour vous, avant ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Une semaine hivernale avec le retour du froid pour tout le monde ou presque. On est en dessous de zéro en ce moment sur une bonne partie de la moitié nord. Le soleil annoncé sur la majeure partie du pays ne devrait pas beaucoup réchauffer l'atmosphère. Des nuages sur l'est de la France, d'ailleurs de la neige aussi dans le Grand Est. Des flocons sont attendus cette nuit également en plaine jusqu'en région parisienne. Et ça pourrait tenir un petit peu demain matin. Cet après-midi, il fera 2 degrés à Sochaux, comptez 5 au Mans jusqu'à 13 à Toulon pour les maxi. Moins de monde, mais encore des barrages hier au deuxième jour de la mobilisation des Gilets jaunes. De 30 à 50 000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère face à la hausse du tarif du carburant. Plus globalement, c'est donc l'augmentation du coût de la vie qui pose problème. Encore quelques opérations coup de poing aujourd'hui comme à Lyon en ce moment, mais le prochain grand rendez-vous aura lieu en fait ce week-end. Un nouvel appel à manifester cette fois sur la place de la Concorde à Paris a été lancé pour samedi. De son côté, le Premier ministre assurait hier avoir entendu la colère des Français tout en promettant de garder le cap à l'avenir. Dans l'actu également, le service national universel aujourd'hui en France donne des précisions ce matin. Un passage obligé pour tous les jeunes Français de 16 ans. Ils seront 800 000 appelés chaque année dès juin prochain. La durée, un mois obligatoire, dont 2 semaines à dormir ailleurs que chez soi, avec possibilité de prolonger pendant 3 mois ou plus pour les volontaires. Un moment de partage pour apprendre des gestes qui sauvent ou encore se former à l'écologie. 90% des ados interrogés dans un sondage estiment que le SNU leur permettrait de rencontrer des jeunes issus de régions et milieux sociaux différents. Le sport avec le tennis, le Masters de Londres, le tournoi des maîtres qui clôture la saison individuelle avec les 8 meilleurs joueur de la planète. Grande première pour l'Allemand Zverev qui s'est imposé hier à seulement 21 ans. Considéré comme le plus grand espoir du moment, il a battu Novak Djokovic en finale. Pas mal de sport d'ailleurs au programme cette semaine avec encore du tennis à partir de vendredi à Lille, la finale de la Coupe Davis. Les Bleus remettent leur titre en jeu face à la Croatie, ce sera très compliqué. On a du foot aussi avec l'équipe de France en amicale demain cette fois contre l'Uruguay, le remake du quart de finale de la Coupe du Monde. Enfin, vendredi encore, ce sera le Black Friday, tout autre sujet, une journée de prix cassés sur Internet. Notamment à ne pas manquer. Elle est un petit peu plus discrète en ce moment, c'est normal. Taylor Swift parcourt le monde pour ses concerts. Son Reputation Stadium Tour fait un carton. C'est même devenu officiellement la 2e tournée la plus rentable de l'histoire pour une artiste féminine. Devant, on retrouve le Stick and World Tour de Madonna il y a 10 ans. Taylor Swift a quand même encaissé plus de 300 millions d'euros pour une grosse cinquantaine de shows. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est lundi 19 novembre, une belle semaine qui commence, bien froide malheureusement. Vous retrouvez en tout cas Manu dans le 6-9 pour vous chauffer et nous on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée et bonne semaine. Youhou les wouah. Youhou. Bonjour Isabelle. Salut salut. Bonjour Paulette. Youpi. Bonjour Glandu. Barbe de 3 jours. Bonjour Nico. Ouais, c'est ça. Bonjour papa. Barbe de 3 jours. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Et là vous dites, mais pourquoi il y en a deux qui disent barbe de 3 jours et un autre qui fait la gueule? Ouais. On démarre directement avec ça. Allez, on va s'écouter La Brune Tessier dans 2 minutes. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial puisque nous avions reçu un message la semaine dernière. Vous nous aviez envoyé un message sur l'application Manu dans le 6-9 qu'on va réécouter maintenant. Salut les wouah. Bah moi je vous lance un défi. Il faut tous vous raser la barbe pour la semaine prochaine. Gros bisous. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a tous la barbe. On a une barbe de 3 jours, tous là, voire 6 jours parce qu'on est un peu flemmards. Ouais. Nico, Glandu et moi. Et on s'est rendu compte que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vraiment rasé. Et on s'est dit, ok, allez, on le fait. Ouais. Lundi, on arrive et on est tous rasés. Ouais. Et dans le week-end, on s'est dit entre nous, bah, on s'envoie les photos pour se marrer, quoi. Ouais. Nico envoie sa photo. Putain, j'aurais jamais trouve, je la trouve géniale. J'aurais jamais. Vraiment, la différence est géniale. Non mais vraiment. Pourquoi? Attends, je peux finir. Putain. Et là, j'envoie un message à Glandu et je lui dis, est-ce que tu t'es déjà rasé? Il me dit non. Je lui dis, le fais pas. Oh, on fait une petite blague à Nico. Petite blague. Et on laisse tout seul pas raser. Vous vous rendez pas compte. Ce à quoi Glandu a répondu. Mais forcément, vous êtes des gamins. Je trouvais ça très drôle sur le coup. Ouais, j'y ai même pas pensé. Tu sais quoi, je suis assis. Manu, ça fait des années qu'on se connaît. Oui. Il y avait un minimum encore d'honnêteté, tu vois, entre nous. J'ai été le premier à envoyer la photo. Je me suis dit, putain, c'est cool. Je suis le premier et tout, un peu bon élève, tu vois. Ouais. Et ben, je me fais niquer. Et après, Nico, il attendait qu'on envoie nos photos, nous. Mais et oui, moi, j'ai oui, ouais, non, oui, j'ai un train, je le ferai. Je vous ai demandé, mais ouais. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que Nico, il s'est fait chier parce qu'il a pris une photo. Il a vraiment pris chaque profil, chaque face. Mais ouais, je voulais faire les choses bien. Avant, après. Non, c'est pas cool. Et quand j'ai la photo, je me dis, putain, il s'est fait chier quand même, je vais devoir faire ça aussi. Et tout. Ouais, c'est relou. Mais vous rendez pas compte que ma femme m'a fait la gueule, du coup, hier toute la journée, quoi. Ah, parce qu'elle déteste quand même. Mais elle déteste ça. C'était moi, même quand je l'ai connu, j'avais la barbe. Elle a jamais connu cette personne. Elle s'est pas mariée avec lui, là. Avec le gars qui est en face de vous, là. Tous mes potes se sont foutus de ma gueule hier aussi, quoi. Ah ouais. En disant, je suis allé bouffer au resto avec des potes, ils m'ont dit, désolé, c'est interdit au moins 18. Mais attends, tu l'as fait le matin. Mais c'est trop mignon. On voit qu'il a un petit nez en trompette et tout. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est... Vous avez votre carte d'identité, vous savez que c'est pour les majeurs ici. Hein. Ah mais tu sais que j'ai froid en plus là. Le froid est arrivé, j'ai plus froid que vous. Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait hyper froid. Moi je trouve que ça te va super bien. Ouais, ça te va bien. Non mais vraiment, t'es mignon, t'es attendrissant, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Mais je veux pas être mignon, moi je veux être beau gosse. Putain, je veux être bien, tu vois. Attends, avant d'être beau gosse, d'abord, il faut que tu mues. C'est dur. Faut que tu passes ton bac et ensuite on verra. Et c'est vrai que toi ça te va super bien. Nous, je suis pas sûr que ça nous aille si bien autant. Mec, arrête. Non mais c'est vrai, ça, t'es très beau. Moi j'ai montré un photo autour de moi, les gens ont dit que t'es très beau. Faites une sieste, les gars, vous rêvez, restez en barbe. Je te jure, je vais arriver avec une tondeuse à côté de vous et je vais vous tondre la barbe. Et mais t'as dû acheter un rasoir et tout. Mais oui, j'avais pas de rasoir évidemment. Ouais, moi je me suis coupé 10 fois. Putain. Et du coup, t'as pris de la mousse à raser? Oui, j'ai de la mousse à raser. Du coup, tu peux nous la passer comme ça on économise pour demain? Alors non. Allez-y les gars. Mais faites-le. Demain, on le fait. C'est vrai? Promis. Bah oui, évidemment, non, on va le faire. T'as dit promis. Mais d'abord, on va quand même prendre une photo de toi tout rasé avec nous deux autour de toi. C'est drôle. Pour que tout le monde s'aperçoive de notre petite blagounette. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est drôle. Et on la mettra sur Facebook. Ah, on s'amuse, on est rigolo. Gamin, quoi. 6h07 les amis, nous allons démarrer encore avec un autre de vos messages. Vous nous envoyez plein de messages sur l'application Manu dans le 6-9. Écoutez celui-là. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Je voulais savoir quelle était la musique qui vous mettait la pêche le matin. Moi perso, c'est Vini Vici, un groupe de DJ trop trop bon. Alors, si vous connaissez Vini Vici, ben, bravo à vous. Si vous connaissez pas, eh ben c'est ça. Théoriquement, c'est le genre de truc que t'écoutes à 4h du matin et ça te va. Ouais. Mais lui, non, il l'écoute le matin. Ou alors, nouvelle journée. Ça envoie. Mais tu te dis, tu vas faire ton lit de manière militaire, te raser, tout faire, quoi. C'est, c'est alors, carré, quoi. Ce qui est drôle, que là, j'ai envoyé un autre titre de Vini Vici. Ah ouais, on aurait dit le même. Oui, je sais, écoutez. Oui. Ça, c'est Free Tibet. Ouais. Et ça, c'est Well Spirit. Ah, c'est génial. Ah oui. C'est drôle, hein. Alors, il y en a un troisième. Ça, on sent la différence. Ah, United. Ouais. Trois. Debout. Ouais. Je sais pas là. Mais tu sais quoi, on a chacun un truc pour nous réveiller. Chacun. On a chacun. On est quoi? On n'est pas tous. On n'est pas tous pareils. Oui, égaux. Égaux, non, c'est pas ça. Si on est égaux. Si on est égaux, oui. Paulette, des fois, elle essaye de sortir des phrases un petit peu, comment dire, un petit peu futées, mais ça marche pas. Ah ouais, non, on n'est pas tous égaux. Hein. Si, Paulette, on est égaux, justement. C'est le concept, les droits de l'homme, tout ça. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'on est différents. Oui, on est différents. Ça fait longtemps qu'on se l'a pas fait. Le lundi, happy. Quelle est la chanson que vous écoutez et qui vous rend heureux? La chanson, vous l'écoutez d'un coup et hop, ça part en sourire. Ouais. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9. Dans 3 minutes, le temps de vous prendre, de préparer les musiques. C'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Juste après Labrine Tessia sur Énergie. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie, il est 6h12, on va s'écouter 3 cafés gourmands. Et puis vous pouvez continuer à nous appeler au 0 870 42 48, ou sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9 pour nous dire quelle est la chanson qui vous rend happy. Ouais. Voilà, c'est lundi, souvent on dit le lundi c'est moisi. Non, le lundi il est happy. Ouais. 0 870 42 48. On va se faire plaisir en s'écoutant tous vos titres. Avant ça, voici, comme chaque matin, les concours du jour. Oui. Yes. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en Angleterre. Ce week-end a eu lieu le championnat du monde de fléchettes. Ouais. Ah. Et deux joueurs, ceux de l'Écosse et des Pays-Bas, risquent l'élimination. Ah, voici ouais la raison. Ouais. Ils s'accusent mutuellement d'avoir, pendant que l'autre jouait pour le déconcentrer, d'avoir pété. Mais quoi ? Ils s'accusent d'avoir c'est pété pendant que l'autre jouait pour le déconcentrer. L'organisation va devoir prendre une décision. Ouais. Mais ils sont adultes, ces gens-là, quand même. Ils sont adultes. Ça fait très gamin, quoi. Ah bah, on utilise les armes qu'on a. Ouais, on utilise les armes qu'on peut. Ouais. Ils s'accusent chacun. Non, t'as pété pendant que je jouais. Ah non, c'est toi qui as pété pendant que je jouais. Non. Et du coup, l'organisation, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être obligés de regarder les images. Et non. Bah si, image par image, pour voir si ils voient qu'il y en a un ou, oh ou l'autre non qui bâche. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il fasse d'autre ? Est-ce qu'il faudrait mettre des juges, quoi, des juges de prout qui soient là pour... Bien sûr, derrière les fesses des gens, oui. Ouais. Oh, mais les pauvres juges, quoi, qui rentrent chez eux et tout. Ah, chérie, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui ? Bah... Ah, t'emmerde pas. Vraiment, je pense à rien. À Grenoble, un homme a été arrêté par la police et risque gros pour avoir grillé un feu rouge qu'il n'avait pas vu. Alors ouais, on se dit, mais pourquoi il risque gros ? C'est un feu rouge qu'il n'a pas vu. Bon, ouais, il risque gros parce qu'il ne l'a pas vu. Parce qu'il était en train de faire l'amour au volant. Non. Oh non, comment ? Oui, avec sa nana. Et il a grillé le feu devant les policiers. L'arrestation a eu lieu dans la position que, bah, que vous imaginez, quoi. Ah ouais, voilà. Et là, t'as aucune défense possible, quoi. C'est là, c'est compliqué de le dire, c'est pas ce que tu crois. Hein. Je crois pas, là, je le vois. Hein. Faut être hyper, hyper habile, quand même, pour faire l'amour et passer la première, la deuxième, embrayer, débrayer. Enfin, ça me paraît impossible. J'aime bien Isabelle, c'est très technique. Hein. Isabelle, avant tout, elle voit la performance physique. Ouais, ouais, ouais, bravo. Non, c'est grave, c'est il me semble quand même que. Physiquement, il faut un peu dans. Ils se sont étirés avant. Bon. Dernier concours du jour. Écoutez, c'est l'un de vous qui nous a envoyé un message sur l'application Manu dans le 6-9. Ah. Et n'hésitez pas, si vous avez d'histoires de concours, vous nous les racontez. C'est la vraie vie. Ouais. Ça arrive partout. Ouais. Des gens improbables qui font des choses improbables. Écoutez ce message. Ouais, Manu, bah, tu voulais des concons. Alors, moi, je suis formateur en sécurité privée. Et là, je suis en train de corriger un examen blanc. Il y a un des nouveaux agents de sécurité qui me marque que le vol, c'est l'action de voler. C'est un ensemble de mouvements qui permet à un oiseau ou autre de se maintenir en suspension dans l'air par le biais des ailes. Ah oui. C'est oh pas génial. Ouais. C'est pas le meilleur agent de sécu quoi au monde. Très très très. Tu sais quoi, lui il peut nous laisser rentrer en boîte. Hein. Enfin. C'est clair. 6h16. Bien dans 3 minutes avec 3 cafés gourmands sur Énergie. On va écouter vos morceaux qui vous rendent heureux, qui vous rendent happy. C'est lundi et le lundi c'est happy. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Encore un matin et sur Énergie avec Manu et les Wawan. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 6h19, soyez les bienvenus. C'est lundi, c'est le 19 novembre. Voyons, on démarre la journée et la semaine tous ensemble. Bon réveil. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Bienvenue sur Énergie. Il est 6h22 et on se fait du bien, c'est lundi, et ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent que le lundi il est moisi. Non, ouais. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, le lundi il est happy. Quel titre vous rend happy? Tout est parti d'un message que vous nous avez laissé sur l'application Manu dans le 6-9. Un message où vous, l'un d'entre vous nous a dit que lui, pour le rendre heureux, il écoutait ça. Et bah pourquoi pas. Ouais. C'est des DJ qui s'appellent Vini Vici. Quelle est la musique? Vous l'écoutez et hop, instinctivement, comme ça, elle vous rend heureux. Nico. Moi, c'est la chanson de mon mariage sur laquelle on est rentré avec ma femme dans la salle, tu vois, et là tout le monde s'est mis à danser. C'était Outkast avec Eya. 1, 2, 3, l'histoire, c'est mieux que avec ma femme, on était au mariage, on est arrivé et personne ne s'est levé. C'est trop bien, ça fait la pêche. Ah, c'est bien, ah oui, ah oui. J'adore. Je redis mon mariage. Allez, allez, tonton. Ah ouais. Les serviettes. Ah ouais. Chanson, vous l'écoutez, elle vous rend instinctivement, immédiatement heureux. Paulette. Beyoncé, Crazy in Love. Oui. Ah ouais. Je dirais que j'ai envie de twerker là. Alors je te dirais que j'ai envie de te voir twerker. C'est lundi, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent qu'il faut faire la gueule le lundi. Non. Non. C'est lundi et c'est happy. Quelle est la chanson qui vous rend heureux? On a Aurélie avec nous au téléphone. Bonjour Aurélie. Salut Manu, salut les Wouin. Salut. On t'écoute Aurélie. Alors moi, ma chanson qui me rend happy le lundi, c'est Matt Cohn, Don't Worry. Ah oui. Ah ouais. Ouais. bon ça. Ah ouais. Ça marche. Tu peux pas faire la gueule là-dessus. Mais non, non. Bah, si. Ah, tu non, sais quoi non, même non. Tu impossible. T'en... Oui, tu t'engueules avec ton mec, avec ta nana, tu fais. Attends, écoute. Alors vous allez quand même vous séparer, mais avec le sourire. Le but, ça fait du pied. Et ben voilà. Merci de nous avoir appelé, Aurélie. Sur Twitter, avec le hashtag Malu dans le 6-9, il y a Suzy qui nous dit « Je l'ai découvert dans Shrek. Depuis, c'est mon rituel chaque matin. Hey » Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. C'est bon, ça, c'est happy, ça. Ah ouais. Ah, c'est cool. Ça fait du bien de s'écouter ouais, ça ouais. Pour lancer la semaine. Ah ouais. Quel est le titre? Vous l'écoutez et instinctivement, immédiatement, ça vous donne le sourire. Isa. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Oh nom de Dieu, cet accent anglais. Ah c'est bon. C'est vrai que c'est bon ça. C'est nouveau en plus. Ah ouais. C'est vrai que ça donne, t'as vu, ça donne le son un peu de suite. Moi j'écoute ça, je suis une tornade dans la maison, je range tout en une heure, tout est plié. Ah ouais, non mais vraiment. Ah bah, alors bah, tu sais quoi, ah ouais. Viens à la maison. Hein, ouais. C'est quoi, je te le mets en boucle le titre. Hein, avec plaisir. Bah voyons. Sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9, on nous propose ça. C'est Pierre qui dit un classique. La musique. Ah bah oui. Ah ouais. J'ai une machine. Oui. Bien sûr. C'est bien ça. Là ah ouais. Tu danses même avec ton balai quoi. Alors parce que Isa elle arrive, elle te le reprend le balai disant ouais. Je nettoie. Glandu, le titre qui te rend immédiatement happy. Moi c'est Soprano en feu. J'en ai un petit moi aussi. Ah. Ah. Ça vous dit rien ça? Si si. Attends. Enrique Iglesias, I like it. Ah, oui, c'est ouais. Ça. Ouais. C'est mon morceau. Incroyable. C'est mon morceau qui moi me fait faire le ménage. Waouh. Et hop. Et l'aspirateur. Et 20. C'est bien qui aurait ah, écoute, ça me donne le sourire. Et attention les poussières. À droite. À gauche. J'aimerais tellement voir ça. Ah ouais. Et attention la vaisselle. Hop là. L'éponge. Et les fenêtres. Wow. Ouais. Ouais. Tout ça tu le dis mais tu le fais pas. Non. Non voilà. On a Anthony avec nous au téléphone. Bonjour Anthony. Salut Manu, salut les barbus et salut les autres. Bienvenue parmi nous Anthony. Merci. Quelle est la chanson qui rend ton lundi happy? Bah celle sur laquelle je vais me marier samedi, The Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up, j'adore. Tu vas te marier sur cette chanson? Ah c'est bon, rentrer dans la salle avec ma femme et ma future femme et mes témoins, ouais. Ah, et ben. Ah ouais. Génial. Là t'as un papillon, t'as un papillon et des bretelles quoi. C'est non, classe. Une t'as une quoi t'as dit? Une cravalière, un mélange de cravate et de je sais pas quoi, ça fait une cravate un peu plus large en fait. Ah d'accord. Ah ouais. Pas gagné ton mariage. Hein. Oh, arrête. Non, pas gagné. C'est bien. C'est bon ça, ça fait du bien ah ouais. Sans écouter tous ces trucs là, sans déconner. 6h28, on va revenir dans 2 minutes. Bougez pas, on va s'écouter Georges Ezra, aussi Soprano. Soyez les bienvenus, c'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9, à tout de suite. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu. Sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Leclerc. Chérie,

projet de loi sera en principe présenté en décembre pour une mise en pratique rapide. Le but, c'est de garder l'effet de surprise, notamment lors d'opérations terroristes, de tests d'alcoolémie ou encore d'interventions sur les GoFast qui transportent de la drogue. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées, 7 jours de conférences, d'opérations de sensibilisation auprès du grand public, des patrons ou encore des recruteurs. Seuls 3% des Français en situation de handicap ont un travail à l'heure actuelle. Le foot avec la D1 féminine hier, le choc du championnat en prime time à la télé, c'est un événement. Le PSG et Lyon se sont quittés sur un nul un partout dans la capitale. Au classement, les Lyonnaises sont premières devant leurs adversaires du soir. Chez les garçons, cette fois, les Bleus reçoivent l'Uruguay demain en amical au Stade de France. Elle compte bien devenir la meilleure de vos copines. Aya Nakamura s'est installée dans des milliers de playlists avec son titre Dja Dja cet été. À coups de morceaux dansants aux sonorités afro-trap, elle est partie à la conquête des plateformes de streaming. Depuis plusieurs semaines, elle se classe même au sommet des charts et pas seulement en France. Ouais, aux Pays-Bas aussi numéro 1. Là aussi, je suis numéro 1 aussi en Roumanie. Franchement, je suis choquée. Je me dis, bon, ils comprennent pas le français, mais c'est spécial, tu vois. Et non, je suis super contente et étonnée en même temps. Il y a beaucoup d'argot. Ouais. Il y a beaucoup d'argot de langage de la street que je mélange aussi avec le langage français. C'est un... Il y a beaucoup aussi des trucs afro aussi que je mélange dedans. C'est tout ça qui fait Aya Nakamura, je pense. Dans l'interview au micro de Nicolas Abed, Aya Nakamura qui a été nommée cette année aux Energy Music Awards. Vous retrouvez toutes les vidéos d'ailleurs sur energy.fr. Aya Nakamura en tournée, en tout cas dès le mois de mars, ce sera partout en France pour la revoir près de chez vous. 6h35, fin de ce flash, on est le lundi 19 novembre. C'est une nouvelle semaine qui commence avec comme d'habitude Manu dans le 6-9 sur Energy. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Bonjour. 95% des femmes détestent quand un homme oublie ça. Ouh, ouais. De quoi il s'agit? Et ben, ce n'est pas la date d'anniversaire, sachez-le. Et ce n'est pas une date. 95% des femmes détestent quand un homme oublie ça. De quoi il s'agit la réponse? Et ben, ça arrive dans 3-4 minutes, juste après George Ezra et Shotgun. Avant ça, j'ai un bon sujet. J'ai trouvé sur Reddit, c'est un site internet qui est ma bible, hein, je vous le dis. Et ça, je peux passer des heures sur ce site à regarder. Les gens posent des questions et il y a des milliers de gens qui répondent à chaque fois. Et il y a des histoires de dingue. Et il y a eu ce sujet. Quelle est la chose que vous trouvez normale dans votre famille et qui ne le serait pas ailleurs? Ah oui. Et donc les gens racontent c'est un peu des traditions familiales ou des choses totalement improbables comme ça. Il n'y a que dans ma famille ou à Noël, on se fait un McDo. Ça c'est dingue. La tradition familiale de Noël. Un autre. Nous faisons du sport en famille et nous trouvons ça normal de tous nous mettre nus en rentrant pour mettre nos vêtements en salle et aller nous doucher tour à tour. Oula, c'est bizarre. Assez étrange. Mais le dernier doit avoir trop froid en fait, celui qui attend pour la douche. C'est horrible. Ouais, c'est pas ça que je pensais moi. Non. Surtout que si tu ramènes ta copine pour faire du sport pour la première fois, faut lui expliquer avant quoi. Oui, c'est ça. Et un petit dernier, il n'y a que dans ma famille où on range les verres dans le frigo. Ah ouais, c'est bien ça. Je sais pas si c'est bien. Ah ouais. Mais c'est une bonne idée, c'est toujours frais. Même si l'eau est pas fraîche au robinet, le verre est frais. D'accord, et les fruits, on les met où dans l'armoire comment ça range en fait dans le frigo? Il faut un très très grand frigo à un moment donné. Quelle est la chose que vous trouvez normale dans votre famille, votre tradition familiale un peu bizarre? Et quand vous l'expliquez à d'autres, vous dites mais c'est pas normal. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler. Glandu? Nous on a inventé une chanson dans ma famille qu'on chante tous en chœur au dessert. Ah. Vous avez inventé une chanson? Ouais, on a inventé une chanson de famille et à la fin on chante tous. Tu veux que je la fasse? Oui, mais vous la faites pour des événements spéciaux ou... Non, là, pas du tout. À chaque fois, dessert à la fin pour fêter le fait d'être ensemble, on chante notre chanson. Oh. Je te la fais, ça fait comme ça, ça fait. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Son nom de famille, c'est Chevalier. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Alors normalement les plus, on est 10-15 quoi, là ça rend moins tout ça. Pas trop dans ce pic quand il a fallu écrire les paroles. Ouais, j'ai l'impression. On avait bu quelques verres, on s'est dit qu'est-ce qu'on va chanter et maintenant on l'a fait à chaque fois. Oh, c'est bien. Là, c'est vraiment une fête. Hein. Non, mais là je suis tout seul, ça rend moins bien. Je trouvais taré le Noël au McDo, mais en fait non. Ouais. Quelle est votre petite chose de famille un peu bizarre, mais qui pour vous est totalement normale? Vous pouvez nous appeler 0870 42 48. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin juste après Georges Ezra. Les Chevaliers. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Bienvenue sur Énergie, 6h41, on va s'écouter Soprano, il y aura le nouveau Z aussi. J'adore ce titre. Ah ouais. Ça peut être mon hit de l'automne. J'attends de voir si ça marche et là je dirais que c'est moi. Je dirais que c'est moi qui vous l'ai fait écouter en premier. Et si ça marche pas, zip. Avant d'écouter Z et Soprano, voici les sondages du matin comme chaque jour. Yes. 95% des femmes détestent quand un homme oublie ça. De quoi il s'agit, Paulette? Descendre la poubelle. C'est pas ça. La liste de courses pour aller faire les courses. C'est pas ça non plus. C'est oublier quelque chose ou quelqu'un? Quelque chose. C'est pas quelqu'un. Non, c'est pas oublier sa femme à la station essence. Par exemple. Non. D'accord. C'est quelque chose qu'on fait à la maison? Oui, c'est à la maison. On oublie en fait de faire quelque chose. C'est pas on oublie un truc, on l'a zappé. De démarrer le lave-vaisselle. Non. Ça a un rapport avec les lunettes des toilettes. Attends. C'est quoi cette histoire de démarrer le lave-vaisselle? Par exemple, mon mec il met la vaisselle. Non, c'est une vanne. Ah, ouais. Génial. C'est gentil. Isabelle, parfois tu m'épuises. Hein. 95% des femmes détestent. Quand un homme oublie ça, d'après vous, de quoi il s'agit, Glandu? Éteindre la télé? Non plus. Tu m'as pas répondu du coup, mais ça a aucun rapport avec la cuvette des toilettes. Rien à voir avec les toilettes. D'accord, demain. C'est dans la salle de bain? C'est dans la salle de bain. 95% des femmes détestent quand un homme oublie de remettre le bouchon du tube de dentifrice. Mais parfois, moi je le fais pour elle aussi. Hein. Ouais, je me dis, elle va se laver les dents après, donc je préfère, tu vois, c'est débouché pour. Marche pas comme excuse. Non, pas du tout. Ouais. Alors, non, mais je vais dire un truc, je sais pas pourquoi, mais moi, je referme tout le temps le dentifrice. Ah ouais, c'est bien. C'est étonnant. Et vous avez vu, je suis chaud comme mec. T'es responsable. Et où le mec idéal? Qu'est-ce qui vous a fait craquer sur lui, le dentifrice? Il le remet tout le temps. Non, son problème, c'est qu'il s'en sert pas. Nous le faisons en moyenne 85 fois par jour. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Penser à l'amour? Non. Rire? Rire non plus. Aller sur Instagram? Non. C'est positif ou négatif? C'est plutôt négatif si on doit faire un truc. Mais t'as besoin d'un accessoire pour le faire? Rien du tout. Faire une blague? Une mauvaise. Enfin, tu vois, une vanner quelqu'un? Non. Parler sur quelqu'un dans son dos? Non, mais c'est avec la bouche. Dire un gros mot. Dire un gros mot. Ah ouais, là. Nous le faisons en moyenne 85 fois par jour, dire un gros mot. Ah bah ouais. Ah. Mais quand on dit plusieurs à la fois, ça compte comme une fois. Oui, pourquoi tu fais des putains de bordel de merde. Oh non. En moyenne, un homme parlera de ça pendant 20 minutes au travail. De quoi il parlera? De lui? Non, c'est plus que ça, ça. De ses enfants? Non plus, parce c'est que s'il n'a pas d'enfant, par exemple, il peut quand même en parler. De ses conquêtes? Non. Il parle de quelqu'un ou de quelque chose? Il parle de quelque chose, d'un concept. Ah, du week-end qui arrive? Non, dès le lundi. Des voitures? Non, c'est le sport. Hein? Ah ouais. En moyenne, un homme parlera de sport 20 minutes au travail, mais pas du sport qu'il a fait, hein. Du sport qu'il a regardé à la télé avec une bière. Pas déconner non plus. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Et dans 3 minutes, juste après Soprano, on parle des choses un peu bizarres qui se passent dans nos familles, mais pour nous, on trouve ça normal. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Sur Énergie, 6h47, on va s'écouter mon hit préféré de cet automne. Vous savez quoi? Ça fait presque musique de film de Noël. Exactement. Z s'appelle Happy Now, ça arrive. Et avant ça, on parle de nos familles. Yes. Qu'est-ce qui est un petit peu bizarre dans vos familles, mais que vous, vous trouvez normal? Il y a quelques exemples qu'on a eu tout à l'heure. Il y a que dans ma famille où à Noël, on se fait un McDo, par exemple. Ouais. Et dans la famille de Glandu, ils chantent une chanson de famille à la fin de chaque repas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Quelle est la chose un peu bizarre dans votre famille, Nico? Nous, on mange tous les œufs des... les yeux, pardon, des poissons. Oh. Non mais c'est non mais tu sais quand c'est cuit hein, on va on se disait bien que tu le prenais pas dans l'eau. Non. Ah j'avoue. Non non mais c'est un petit truc, un petit rond blanc. Oui non, mais on veut pas savoir, on veut pas savoir. Non mais c'est non mais il y a rien de dégueulasse là-dedans. Mais c'est une tradition familiale. C'est une tradition en fait, on mange tout dans le poisson. Mon grand-père allait pêcher et du coup on mange absolument tout. Oh là et là les yeux en font partie. D'accord. C'est Koh-Lanta chez Nico quoi. Ah ouais. Tu vois dans la famille. Ouais, mais c'est pas mauvais. Moi, c'est hein. dur. C'est non mais je veux, on veut pas le savoir. Ah, non. Ah, ouais. Alors pour le coup vraiment, c'est quoi pour l'instant t'es numéro un des choses bizarres dans la famille. Ah ouais. Marilyn, bonjour. Bonjour Manu, salut les wawa. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ta famille, mais pour toi c'est normal? Eh ben, en fait, nous, dans ma famille, on ne ferme jamais la porte des toilettes, sinon on a l'impression d'être enfermé. Mmh. Ah. Mais de père en fils, de mère en fils, c'est une tradition. Quand vous allez aux toilettes, vous ne fermez jamais la porte. Exactement. D'accord, mais dans les toilettes publiques, par exemple. Non, dans les toilettes publiques, on ferme, mais des fois, ça peut arriver qu'on oublie. Ah oui, tellement vous êtes habitué à pas fermer. J'espère qu'elles sont éloignées de la salle à manger, les toilettes. Sinon, c'est pas très sympa. Ouais, ça va assez. Non, mais attends, mais vous fermez la porte quand même. Non, on ferme pas la porte en fait. Non. La porte elle reste ouverte. Ah, mais moi j'avais compris carrément que vous fermiez. Non, j'avais juste compris que vous fermiez pas la clé. Ah non, non, là, non, vous non, laissez non, la non, porte non, ouverte. Elle reste carrément ouverte. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, ok, tu passes au-dessus des yeux de poisson là. Ouais. Bah oui, parce que t'as l'odeur qui va avec en même temps. Ah oui, mais merci, Marie, on avait saisi. En tout cas, et vraiment, et ta famille, elle donne envie de venir manger chez vous. Wow. Quelle est la chose bizarre, mais que vous trouvez normal, vous, dans votre famille, Isa? À chaque repas de famille, mon père, il récite toute la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Ah, c'est un cap, c'est une péninsule, ouais, tout ça. Ouais, ouais, tout, mais tout, hein, jusqu'au bout. Mais pourquoi bout, hein. Il adore. Et puis c'est devenu un rituel, à chaque fois il nous l'a fait. Il le fait bien ou... Super bien. Ah ouais. Super bien. Mmh. Ah ouais. Mais il voulait être comédien? Ouais, il faisait du théâtre quand il était jeune. Ah, ça doit être pour ça, tu vois. Mais en fait, il se renouvelle jamais. C'est toujours la même tirade, le même truc, le même rythme, le même ton, ouais. Tu vois. Ouais. Et on est tous là. Ah, c'est maintenant, c'est le moment. Mais c'est jamais au même moment, attention. Hein. Ça peut surgir à n'importe quel moment. Exactement. Ah, oui. Ouais. Il aurait pu être comédien, mais sur une seule pièce, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il est comédien de dîner. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, moi, ce qui est marrant, dans tradition de famille de dîner, il y a tout le temps, mais ils le font exprès, une engueulade. Ah ouais? Non. Oui. Mais en fait, sur des sujets d'actu, quoi. Ah, depuis que je suis petit, dans les sujets. Tout le temps, il y en a un qui commence à parler et les autres s'échauffent. Mais après, ça calme d'un coup, ils sont contents. Ils sont, ah, on l'a fait. Genre, en mode, c'est bon, on l'a fait. Mais non. C'est vraiment. C'est leur petit plaisir. Ouais, c'est très bizarre. C'est limite s'ils piochent pas un sujet, alors sur quoi on va s'engueuler aujourd'hui? Exactement. C'est génial. Et quand ça s'engueule pas, vraiment, il y en a toujours un qui sort le truc. Mais non, tu peux pas dire ça. Là, ça c'est très étrange. Lilou, bonjour. Salut Mani, salut les Wawin. Bienvenue sur Énergie Lilou, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ta famille? Mais pour toi c'est normal. Ben nous en fait, on mange des pop-corns tous les soirs. Devant la télé, c'est tous les soirs c'est pop-corn. Voilà. Mais c'est pas très bon pour les fesses, non? Bah si, ça va. J'ai 31 ans, ça va. Ah bah écoute. Depuis toute petite, hein, et même maintenant j'ai des enfants, un mari, ben, c'est pop-corn tous les soirs. Wow. D'accord, je suis pas sûr que ce soit très très bon d'un point de vue nutritif et d'un point de vue santé, hein, quand même. C'est surtout en termes de caries, c'est-à-dire que là ça doit être une cata. Alors après, c'est pas forcément des pop-corns sucrés, hein, ça peut être salé, nature. Oui, ouais, ouais. Après, pourquoi vous mangez pas directement du maïs, tout simplement? Non, mais ce sera meilleur pour la santé. Hein. Ouais, bah, après, moi, voilà, je ne suis pas dans votre famille. En tout cas, les dentistes vous embrassent. Merci de nous avoir appelé. Quelle est la chose un peu bizarre dans votre famille, mais pour vous, c'est normal? Paulette. Les animaux passent avant les humains chez moi. C'est-à-dire que s'il y a un chat sur le canapé, par exemple, personne ne va s'y asseoir. Ou alors, délicatement, à côté du chat, quoi. Mais non. Le chat est sur le canapé, tu te mets par terre. Personne ne va le dégager. Ah ouais, ouais. Oh, les repas de famille, ils sont tous assis par terre. T'as les chats sur le canapé. Les chats, ils sont à table, ils font... Ah, on les a bien dressés. Hein. tiens, je vais faire un petit rot. C'est bien. Vous avez une bonne notion de la vie, quoi. Tranquillement. Ils vous donnent quand même une gamelle pour manger les croquettes oui, ou pas? Oui, d'accord. Okay. 6h52, voici Z sur Énergie, c'est Happy Now. Bon réveil. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only. Just as empty as the day you came. You hold all the cards. All

Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. L'instant Tarty. Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine ? Oui. Eh ben, j'ai peut-être une idée. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable Fort Classe A+ est à 349 euros au lieu de 599, soit 250 euros d'économie. Référence FOP 67 902 XU. Black Friday, vendredi fou. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq. Juste après les infos, on va doubler votre salaire et on va s'écouter Kenji. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Agnew, bonjour à tous. Une semaine hivernale avec le retour du froid pour tout le monde ou presque. On est en dessous de zéro en ce moment sur une bonne partie de la moitié nord. Le soleil annoncé en tout cas sur la majeure partie du pays ne devrait pas beaucoup réchauffer l'atmosphère. Des nuages sur l'est de la France, de la neige aussi dans le Grand Est. Des flocons d'ailleurs qui sont attendus cette nuit également en plaine jusqu'en région parisienne. Et ça pourrait tenir un petit peu demain midi. Cet après-midi, il fera 2 degrés à Sochaux, comptez 5 au Mans jusqu'à 13 à Toulon. Quelques barrages comme à Lyon et Bordeaux en ce moment, mais rien de comparable à la mobilisation du week-end pour les Gilets jaunes. Le prochain grand rassemblement est programmé en fait samedi à Paris. Un appel a été lancé hier sur les réseaux sociaux pour une manifestation place de la Concorde, toujours contre les prix du carburant et plus globalement la vie chère. En réponse, le Premier ministre assurait hier avoir entendu la colère des Français tout en promettant de garder le cap. Dans l'actu également, le SNU pour Service National Universel, un rite de passage bientôt obligatoire pour tous les Français dans leur 16e année. Aujourd'hui en France, donne quelques précisions. Ce matin, le concept doit être appliqué dès juin prochain, un mois obligatoire dont 2 semaines à dormir ailleurs que chez soi avec possibilité de prolonger pendant 3 mois ou plus pour les volontaires. Et les appelés devront donner de leur temps pour apprendre les gestes qui sauvent ou encore se former à l'écologiste à choisir. 90% des ados interrogés dans un sondage estiment que le SNU leur permettrait de rencontrer des jeunes issus de régions et milieux sociaux différents. Le programme de la semaine, un événement vendredi, le Black Friday, une journée de prix cassés sur internet mais aussi en magasin. Le bon moment, pourquoi pas, pour commencer à faire ses cadeaux de Noël. Sinon il y a du sport aussi demain, l'équipe de France de foot reçoit l'Uruguay en amical à Saint-Denis, c'est le remake du quart de finale de la Coupe du Monde. Vendredi encore, la France du tennis aura les yeux braqués sur le stade de Lille, les yeux rivés, la finale de la Coupe Davis au menu contre la Croatie. Du tennis d'ailleurs, il y en a encore ce matin avec un résultat, celui du Masters de Londres, le tournoi des maîtres qui a clôturé hier la saison individuelle avec les 8 meilleurs joueurs de la planète. Victoire de Zverev hier en finale avec Novak Djokovic, face à Novak Djokovic. L'Allemand de 21 ans est sans doute le plus grand espoir du moment. Ça rapporte d'être Taylor Swift. Son Reputation Stadium Tour est devenue la deuxième tournée la plus rentable de tous les temps pour une artiste féminine. Juste derrière le Sticky and Sweet Tour d'une certaine Madonna il y a bientôt 10 ans. Après une cinquantaine de concerts cette année, la pop star a encaissé 310 millions de dollars. Le père de Game of Thrones de nouveau sollicité pour finir Wild Cards de George R.R. Martin devrait bientôt être transformé en série. Les 27 tomes de cette histoire de science-fiction avec des super-héros sont en cours d'adaptation pour Hulu, une plateforme concurrente de Netflix et d'Amazon Prime. 7h03, c'est la fin de ce flash. Lundi 19 novembre, bonne semaine sur Énergie avec Manu dans le 6-9. Il est 7h03, on est lundi aujourd'hui, c'est le 19 novembre 2018. Bonjour lundi! Bonjour lundi! On va s'écouter Kenji, Thiago, le titre préféré de Glandu. Ah, je l'adore, il me transporte. Vas-y, fais-toi plaisir. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie. Hormis le sourire. Merci. Thiago. Merci. Ouais. Kenji peut venir te taper sur la tête. qui vienne, on va chanter ensemble. Non, t'as pas compris. The Prince Karma arrive aussi. Et Georges, l'appel automatique de Georges, il est de retour. Ça va se passer dans une dizaine de minutes. Aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui annoncer que sa mise aux enchères de sa maison est prête. Ah, c'est terrible. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Avant ça, vendredi, c'est le Black Friday, les amis. Ouais. Le Black Friday, c'est devenu, ça vient des États-Unis et depuis quelques années, ça prend de l'ampleur en France. C'est des opérations de promo dingue. Ouais. Ce vendredi-là, mais ça commence dès maintenant. Ouais, ça commence aujourd'hui. Ouais. Sur Amazon, je viens de recevoir un mail. Oulala. Ah là, avec plein de trucs. Alors oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là là là, moins 40% sur une sélection d'épilateurs. Moins 40% sur une sélection Pampers. Oh là. J'ai l'impression qu'ils ont mal ciblé, non? Black Friday, en fait, c'est l'événement où t'achètes des trucs que t'achèterais pas le reste de l'année. Parce que c'est moins cher. T'as le tout, t'as des trucs gadgets, etc. Mm. T'as des pompes. C'est exactement ça. Je suis à la limite d'acheter des couches, même si j'en ai pas besoin. Mais... Franchement, demandez-vous avant d'acheter si vous en avez vraiment besoin, parce que c'est typiquement le truc qu'on achète, on n'a pas besoin. Arrêtez quoi. Réfléchissez avant. Hein. Non. Mais non, parce que ça casse l'ambiance. Ouais, il y a un petit body en dentelle à 4,50€. Oh ouais, ça vaut le coup, ça. Attends, non, un baby cook, moins 30% avec le Transat. Oh, ouais. Oh, c'est génial. Ah ouais. Wow. Oh là là. Bon, 7h05, on va doubler votre salaire. Parce qu'il faut le payer, ce Black Friday. Bah oui. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com, vous vous inscrivez, évidemment c'est gratuit. C'est ce qu'a fait Virginie, elle habite 100 sacs de Marmiès, c'est dans le Cantal. Elle a 32 ans et elle touche 1190€ chaque mois. Virginie, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention, Virginie décroche. Oui, allô? C'est Virginie de 100 sacs de Marmiès? Oui. C'est long à écrire, hein? Un peu. Ah bah quand même, ouais, à l'école, le temps que tu prennes ta ville, déjà on t'arrache ta copie, quoi. Virginie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh oui. Et Virginie, je t'annonce que oui, ton salaire, on va le doubler. 1190€ x 2, ça va faire 2380€ pour toi. Super, merci beaucoup. Eh ben, mais merci à toi. C'est beau ce que je dis. Ouais. Virginie, tu es employée de pressing. Oui, c'est ça. Alors je te dis merci. Parce qu'il y a des fois, on arrive au pressing en se disant, tu veux dire, il est foutu ce jean. Ouais. Avec cette tâche, elle partira pas. Mmh. Et là, Virginie arrive. Et, et avec un produit miracle qu'elle ne dévoilera pas, évidemment, tu arrives à enlever des tâches que personne n'arrive à enlever. J'ai bien résumé ton boulot. C'est ça, on est des mimimatis du linge, on va dire. Wow. Ah, Joséphine Ange Gardien, genre magique. Ouais. Ah oui, d'accord. Et des odeurs qu'on n'arrive jamais à enlever. Parce que moi, par exemple, ma chatte avait fait pipi sur mon manteau. Je l'ai emmené au pressing. Et je pensais que c'était fichu, que ce manteau partait à la poubelle. Mais quelle belle histoire. Je sais. Quelle belle histoire. Virginie, il y a déjà des gens qui viennent jamais récupérer ce qu'ils te laissent? Oui, c'est arrivé, ouais. Oh. Bon, nous, on les garde pendant 3 ans. 3 ans? Mais non, mais non. Ouais. Mais attends, mais c'est pour ça que dans les... Quand je vais au pressing, j'ai l'impression que c'est le pressing, les mecs, c'est Crésus. Ouais. Tellement il y a d'habits, il y a plein d'habits. Je me dis, putain, les mecs, ils cartonnent, quoi. Ouais. Non, en fait, c'est des mecs qui viennent pas récupérer leurs affaires. Et oui, c'est ça. C'est génial. Ah ouais. Mais en fait, il faut avoir un pressing et à côté, ouvrir une friperie. Comme ça, tous les 3 ans, tu mets en magasin. Et ouais, stocks. C'est ça, ouais. Et au bout de 3 ans, t'en fais quoi quand ils viennent pas vraiment? Eh ben, on les donne du coup à Emmaüs ou à des associations comme ça. Ah ouais, c'est bien. Il n'y a jamais eu un truc, tu t'es dit, tiens, je l'aime bien celle-là? Oh ben non, après, ouais, on préfère donner d'accord, à des gens sur l'endroit. T'es en train de dire que t'aimes pas les goûts de tes clients. Non, ils ont vraiment des robes de merde. Mais c'est... Non, elle est généreuse, c'est pas pareil. Virginie, on te double ton salaire, 2380€. Et du coup, maintenant, on le sait, on n'a pas à se presser pour aller récupérer les affaires au pressing. Ouais. On a 3 ans. Quand même. Ouais. Bon. Virginie, merci beaucoup de faire garde-meubles pour nous. 7h08, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire à energie.fr ou Manu dans le 69.com tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Kenji tout de suite sur Énergie. On est là, on démarre la journée ensemble. C'est la semaine qui démarre, on est lundi, c'est le 19 novembre. Soyez les bienvenus. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Diago, Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Diago, Later, bitches. The Prince Karma arrive sur Énergie. L'appel automatique de Georges, c'est dans 3 minutes. Soyez les bienvenus. Attention, nous allons peut-être avoir une grande nouvelle maintenant. Ouais. Nico. Ouais. Ce week-end, t'as gardé ta nièce. Exactement, hier. Vendredi, Nico nous a dit, ce week-end, je vais garder ma nièce. Elle a quel âge ? Elle a 2 mois. Elle a 2 mois, là. Ok, donc c'est la fille de son frère. Ah, elle est toute petite. De ma soeur. J'ai ton frère ? Oui. Ouais. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh non. C'est qu'il est lourd. Ils ont interverti, bon, la boulette. Alors, de ta sœur. Bref, c'est ta nièce. Oui, oui. Vous l'avez gardée pendant le week-end. Exactement. Tout le week-end avec ta femme. Ouais. Et tu nous avais dit vendredi, peut-être que ça nous donnera envie de... d'en avoir un aussi. Oui. Ah ouais, c'était qui tout double, quoi. Alors, dit, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Alors, déjà, ça s'est bien passé ? Ça s'est ultra bien passé. Ouais. Ah. Ultra bien passé. Et je pensais vraiment que ça allait être un peu déséquilibré, tu vois, que ça allait être ma femme qui s'occupe quasiment de tout. Et elle était jalouse parce que c'est moi, en fait, qui l'a eu tout le temps, ma nièce. Mais non. C'est-à-dire qu'en fait, le mari de ma sœur s'est barré. Il a dit, tiens, je te confie à tonton. Elle s'est mise sur moi et elle a dormi tout du long. Elle était trop bien, quoi. Bah, et elle a pas bougé. Ouais. Sur toi. Ah ouais, ma femme était jalouse. Dormi tout du long, et les couches aussi, non? Il fallait changer. Ah, on a changé les couches, on a changé deux fois ça les c'est couches. Chiant, ça. Deux fois en un week-end, c'est peu, hein? Ah ouais? Non, mais c'est pas en un week-end, c'était juste hier où je l'ai gardé. Mais c'est déjà pas mal pendant quelques heures. Ah ouais? Oh, c'est que quelques heures! Mais oui. Non, mais c'est que quelques heures, c'est déjà très bien. Attends, tout l'après-midi hier. Tout l'après-midi, elle a dormi, on a changé deux couches. Une qui s'est très bien passée, l'autre, j'avoue que j'ai demandé un peu d'aide à ma femme parce que c'était compliqué. Mm-hmm. Je savais pas qu'un bébé pouvait faire ça. Si, un bébé, il faut le savoir, c'est une machine à caca. Oh, c'est impressionnant. Non, mais clairement. Non, mais c'est impressionnant. Oh. Et après, on a donné le biberon et tout s'est hyper bien passé, quoi. Alors, attends. On veut savoir si le fait d'avoir gardé ce bébé pendant quelques heures, une fois que vous l'avez rendu, la discussion a été, alors j'ai lancé la discussion, effectivement, auprès de ma femme, et je lui ai demandé, je dis après, parce que tout s'était très bien passé jusqu'à effectivement la dernière couche où là tu te dis ok, on peut avoir des doutes. Ouais, bon. Finalement c'est pas le nôtre, c'est très bien. Et ma femme m'a répondu, maintenant que j'ai changé les couches de cette fille là justement, d'Alban, la petite Alban, et ben je peux changer les couches de n'importe quel bébé et donc d'une autre. Donc je vous annonce, je le pense, hein, on va tout faire pour qu'on va essayer de lancer un petit Nico. Pour après l'anniversaire de ma femme, elle va avoir 30 ans au mois de mars et à partir du mois de mars. Et pourquoi vous attendez le mois de mars? Parce je sais pas pourquoi ma femme veut le cap des 30 ans, elle dit voilà, après mes 30 ans, je ferai ça. Donc c'est le 9 mars, je vous annonce que le 9 mars au soir. Oui, mais... on lance ce qu'il faut lancer. Oh, si vous le lancez maintenant, je m'y connais un minimum, mais ça fait 9 mois. Et ben, ça arrivera après les 30 ans, c'est bon, vous pouvez y aller. Bah oui, bon, on verra. Attends, mars plus 9 mois, ça fait avril, décembre. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait décembre pour Noël. Ouais, c'est pas bien. Bah oui. C'est un enfant de Noël. Non, les cadeaux et tout, c'est cool quoi. Ah ouais. On peut choisir le deuxième prénom? Alors, déjà, il faut qu'il soit là. Oui, c'est ça. Il va venir. Mais c'est cool. Ok, à partir. Mars. Donc, ça veut dire que dans un an, pile. Normalement. Cool. C'est cool, hein. C'est bien. Un nouveau dans l'équipe. bonne nouvelle, je suis content. The Prince Karma arrive dans 3 minutes et c'est l'appel automatique de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. On revient tout de suite. Manu dans 6-9. Manu et c'est ouin ouin. Manu dans 6-9 sur Énergie. Martin, si je participe à Danse avec les Stars, c'est pas pour gagner. Ah non, c'est juste pour attirer l'attention de Manu. Eh oui. Alors, tu as attiré mon attention et en plus, t'as pas gagné puisqu'elle a quitté Danse avec les Stars samedi, Héloïse Martin. Ouais. Donc les demi-finales vont arriver, ça va jouer entre Clément Rémien Terence Tell et Iris Mittenaer. Ouais. J'avoue, je les aime bien tous les trois. Je sais pas qui choisir. Iris Mittenaer. Non, je sais pas du tout. Bon. 7h19. Voici l'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. L'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France a décidé aujourd'hui d'appeler quelqu'un pour lui annoncer que les meubles de sa maison, et pas que les meubles, allaient bien être mis aux enchères comme demandé. Sauf que le mec l'a pas du tout demandé. Aïe. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Nous avons bien pris en compte votre demande de mise aux enchères automatique de vos objets personnels. Ah non, je n'ai pas demandé de mise aux enchères. Ça doit être une erreur. Voici de... le récapitulatif des objets que vous vendez aux enchères. Oui. Votre télévision, prix de départ, 4 euros. Non, c'est faux, c'est pas possible. Nous avons déjà une demande pour votre télévision avec une proposition de prix à 4,50 euros. L'acceptez-vous ? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui me fait une embrouille. Enchère validée. Suite de vos objets mis en vente aux enchères. J'en ai rien à foutre. Votre voiture, prix de départ, 100 euros. Ah mais je m'en fous de la proposition, alors arrêtez un peu vos conneries là. Adjugé vendu. Qu'est-ce qui se passe là? Y a un problème? J'ai un bon avocat. Quel est votre nom déjà? Nous reviendrons vers vous pour la vente de votre maison et de votre téléphone. Vous êtes une grosse embrouille, une grosse arnaque. Alors maintenant vous arrêtez de me faire chier. Oh il est pas content. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Il a l'impression quand même d'être dans un très mauvais film. Ouais. Je vois bien, j'ai un bon avocat. 7h20, les appels automatiques de Georges, c'est tous les matins. Ne vous inquiétez pas, la personne va bien, on lui a rien pris dans ses enchères, évidemment. En plus, il avait un bon avocat, donc on déconne pas. The Prince Karma, tout de suite, sur NRJ. Juste après, on va parler de couple. Ah ouais? Mais d'engueulades dans les couples. Parce que l'amour, c'est bien, mais les engueulades, c'est quand même plus rigolo. Après The Prince Karma. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Bienvenue sur Énergie, 7h23. On va écouter DJ Snake, il y aura aussi Lady Gaga et Bradley Cooper. Et avant ça, nous allons parler de couple. Nous allons parler de problèmes dans le couple, nous allons parler d'engueulades dans le couple. Oh là là. Qu'est-ce qui peut vraiment énerver votre mec, votre nana, votre partenaire si vous lui abîmez quelque chose? Sur quoi il a zéro recul? 0870-42-48, vous pouvez nous appeler et on pose la question. Parce qu'écoutez bien, voici sur quoi le mec d'Isabelle est extrêmement touchy. Et j'avoue que ça m'a fait rire quand elle m'a raconté ça. Sa mandoline. Sa mandoline. Mais oui, il a une mandoline, il a ce joli petit instrument. Et dès que je le touche, il tremble. Il tremble. Oh. C'est... Même limite, je m'approche de la mandoline, c'est... Il est en stress total. Il a un arc et des flèches. Ah ouais. Tu touches à la mandoline, je te préviens, la flèche, elle part. Ouais. Après, ça doit être dur à trouver, une mandoline. C'est ça. C'est pas très courant, si. Une mandoline, bah ouais. Si, ou comme ouais. Une guitare. Ah oui, ouais. J'ai une petite guitare. Je croyais que c'était rare, moi, c'est un truc rare. Bah c'est... Non, ça veut dire qu'il faut habiter au Moyen-Âge, quoi. Mais sinon, c'est pas rare. Hein. Okay. Sur quoi votre mec ou votre nana est extrêmement touchy si vous l'abîmez? Sur ses deux peluches, ma femme, tout le temps. C'est-à-dire que si on leur parle pas comme à des enfants, comme c'était des enfants, et si par malheur, quand on va se coucher, je leur dis pas bonne nuit, et que je les pose par terre à côté du lit, et que je les garde pas avec moi dans le lit, là c'est la fin du monde. Wow. Oh là, ouais, elle peut vraiment me faire la gueule. Hein. Alors c'est marrant parce que moi, donc mon ex, hein, ouais, ouais. Elle avait une peluche comme toi aussi, ouais. Mais elle, ça ne la gênait pas quand on la sortait du lit de la jeter par terre loin. Ah ouais, ah ouais, oui. Ouais, ouais. Et c'est moi qui lui ai dit un jour. Ça lui fait mal quand même, non là. Ah oui, c'est toi qui avait un petit cœur là-dessus, quoi. Mais oui, parce que elle tenait tellement à sa peluche que je ne comprenais pas pourquoi ça ne la gênait pas de la jeter par terre. Quand même, elle dit non, mais elle est habituée, je suis d'accord. Mylène, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue. Salut. Sur Énergie, Mylène. Sur quoi ton copain est extrêmement touchy? Faut pas déconner là-dessus, faut pas lui abîmer la chose. Alors, mon copain, moi, est pêcheur. Donc, il a un bateau pneumatique. Une dizaine de cannes à pêche et plein d'autres choses. Et il a toujours une canne à pêche dans la voiture. Et il faut surtout pas y toucher parce que là, sinon, c'est le drame. Et pourquoi il a toujours une canne à pêche dans la voiture si par exemple il part au boulot alors qu'il sait qu'il va pas pêcher? Ah, mais s'il a 5 minutes et qu'il peut s'arrêter au bord d'un cours d'eau, il va s'arrêter et pêcher. Mais non. Ah ouais? Ah oui, c'est quand même. Ça lui est arrivé déjà, par exemple, t'es dans la cuisine, tu rentres et là, tu le vois pêcher dans l'évier. Et là, faut consulter quand même. Hein. Merci de nous avoir appelé, Mylène. Belle journée à toi. Sur quoi votre mec, votre nana est un peu touchy? Nathalie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Mon compagnon est pompier volontaire. Il a une vitrine pleine de camions de pompiers, de mini voitures. Et ça fait 8 ans qu'on est ensemble et j'ai pas le droit d'y toucher. Oh, wow. Une même vitrine. Pas pour faire la poussière. Une vitrine avec des camions de pompiers. Il en a beaucoup? Ouais. Oui, ouais, peut-être 1000. 1000 camions de pompiers? Ouais, à peu près, ouais, c'est 3 ou 4 étagères, oui, ça, à peu près. Ils vivent dans un château, quoi. Non, mais c'est des toutes petites. Non, mais d'accord, mais c'est... Ouais. Comment dire, c'est... Ah ouais. Il est un peu monomaniaque, quoi. Non, mais t'as un truc pour le chantage, c'est trop bien. S'il veut pas faire un truc, tu commences à ouvrir la vitrine, à toucher un tout petit peu le camion. Non, c'est pas ça. Oh, mais quoi, c'est pas gentil de faire ça. Gentil, bah quoi, ça. Il veut pas qu'elle touche ses petits camions, moi j'aurais trop envie. Bah, s'il veut pas, laisse-le pas les toucher. T'es un peu laide, celle dans le magasin, il y a écrit ne pas toucher, elle touche quand même. Bien sûr, non, évidemment. C'est pas bien, ça. Et c'est elle qui marche sur la pelouse devant le panneau, c'est pelouse interdite. Mais oui. Alors, Nathalie, écoute, j'ai rien vraiment à te conseiller à part fais attention et suis-le peut-être le soir, il est un peu taré. Non, c'est une passion. Ah oui, ça c'est une passion. Ah, ouais. On peut considérer que quand t'as mille camions de pompiers en vitrine chez toi, effectivement, le mot passion, il est bien. Merci de nous avoir appelé, Nathalie. Belle journée à toi. Merci, bisous. Ciao, 7h27, on revient tout de suite. On va écouter Lady Gaga, Bradley Cooper. Les infos, c'est à 7h30 et dans une dizaine de minutes, on va vous offrir la console de jeu de votre choix. C'est le jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Manu et les Wawas. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Coé sur Énergie. Gros bisous, Marguerite. Oui, ben au revoir. Au revoir, t'as rien à me dire? Merci, ben non. Non, ben non alors. Ben au revoir. Non plus, hein, tu sais. Non plus, d'accord. Ben au revoir. Alors, au revoir. C'est pas Anne Guillaume, c'est pas du tout la personne au téléphone. Qui c'est? Moi je m'appelle Coé. Oh, encore? Quoi encore? Je m'ai appelé. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Oh!

avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est froid ce matin sur la France. On est même en dessous de zéro sur une bonne partie de la moitié nord. Du soleil, en tout cas, attendu au réveil. Ça va se couvrir par contre par l'est au fil des heures. On annonce d'ailleurs quelques gros flocons dans le Grand Est aujourd'hui. Et cette nuit, il devrait neiger jusqu'en région parisienne. Et ça pourrait tenir jusqu'à demain midi. Au max, ce lundi, on aura 5 degrés à Sedan et au Serre, comptez 11 pour Albi. Des blocages à Bordeaux, à Lyon, mais aussi dans le sud. Sans comparaison, en tout cas avec les opérations du week-end, le mouvement des Gilets jaunes continue ce lundi en mode réduit. La prochaine grosse mobilisation est programmée en fait samedi à Paris. Un appel à manifester place de la Concorde a été lancé hier sur les réseaux sociaux contre la vie chère. Édouard Philippe, le Premier ministre, a déclaré qu'il avait bien entendu la colère des Français tout en promettant de garder le cap à l'avenir. Du changement sur la route, Waze, Coyote et toutes les autres applis communautaires sont prévenus, ça va bouger. Comme le demande la police ou encore les associations de victimes de la route. Certaines opérations des forces de l'ordre ne pourront plus être signalées à l'avenir. Un projet de loi sera en principe présenté en décembre pour une mise en application rapide. Il s'agit de garder l'effet de surprise, notamment lors des coups de filet antiterroristes, des tests d'alcoolémie ou encore des interventions sur des go-fast qui transportent de la drogue. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées, 7 jours de conférences, d'opérations de sensibilisation auprès du grand public, des patrons mais aussi des recruteurs. Seuls 3% des Français en situation de handicap ont un travail à l'heure actuelle. On parle de sport et de foot féminin aujourd'hui avec un choc hier en championnat de France, en prime time à la télé, c'était un événement. Le PSG et Lyon se sont quittés sur un nul un partout dans la capitale. Les Lyonnaises restent leaders au classement devant leurs adversaires du soir. Chez les garçons, cette fois les Bleus reçoivent l'Uruguay demain en amical au Stade de France. L'élève pourrait bien dépasser le maître. Breaking Bad n'en a pas fini avec le trafic de drogue. Après 5 saisons, la série multi-récompensée aux États-Unis s'apprête à faire son comeback au ciné. Un pari osé, mais ce n'est pas une première, Morgane Barthélémy. Morgane derrière. Et oui, visiblement, le réalisateur du programme a encore des choses à raconter sur ses dealers. Puisqu'il prépare un long métrage de 2 heures, il devrait suivre Jesse Pinkman en pleine fuite. Une adaptation, c'est un peu aussi un nouveau look pour une nouvelle vie. Mission Impossible, la saga des années 60 est passée de petite production à énorme blockbuster. Le dernier a coûté plus de 157 millions d'euros. Côté réalisation, on retrouve de grands noms comme J.J. Abrams aux commandes du troisième volet. Il a repris plus tard une autre série emblématique, Star Trek. Des remakes pas complètement fidèles à leur modèle. L'été dernier, Baywatch Alerte à Malibu a préféré jouer la carte de l'humour et des muscles avec Dwayne Johnson et Zac Efron plutôt que celle de l'intrigue policière. Changement de ton radical aussi sur 21 Jump Street. Channing Tatum et Jonah Hill, avec leur rôle de flic infiltré, ont totalement fait l'impasse sur l'aspect dramatique de la version originale. Bah, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée sur NRJ. On va s'écouter DJ Snack dans 2 minutes et juste après, on vous offre la console de jeu de votre choix. On va jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Il y a déjà le standard. Le standard est rouge. Ah ouais. À chaque fois qu'on dit qu'on va jouer au jeu des 5 mots, c'est un carton au standard évidemment. Ouais. Ouais. Console de jeu de votre choix et aujourd'hui, c'est Paulette qui va sortir pour vous faire gagner. Cool. Ah, c'est drôle. Il y a plus d'appel. Non. C'est dur. T'es dégueulasse. Ah, génial. Qu'est-ce que je peux, hein. On croit en toi, Paulette. La console de jeu de vos rêves, on vous l'offre. 0870 42 48. On joue au jeu des 5 mots dans 5 minutes. Et quand, tant qu'on est dans les cadeaux, nous allons parler, les amis, de Noël. Ah ouais. Ça y est, ça commence à cailler partout en France. On y est, hein. Ouais, c'est vrai. Noël arrive, les amis. J'ai des chiffres sur cette belle période et sur cette belle fête qu'est Noël. Ouais, vas-y. Selon une étude, nous dépensons dans toute notre vie pour Noël. Oh non, tu vas pas faire ça. Quoi? Oh, j'ai peur. Bah, t'as peur de quoi? Bah, que ce soit une énorme somme. Non, 100 000 euros. Oh, 100 000? Nous dépensons dans notre vie 100 000 euros pour Noël. L'étude s'est basée sur 60 ans de vie. Alors, elle y inclut pas que les cadeaux, elle y inclut aussi les achats de nourriture, la déco et l'organisation de soirées et de sapins. Bah ouais. Wow. Évidemment, on parle des cadeaux pour les adultes, puisque pour les enfants, c'est le Père Noël qui s'en occupe, évidemment. Ouais. 100 000 euros, tu peux t'acheter une petite maison. Effectivement, 100 000 euros, tu peux t'acheter une petite maison. Mais tu te l'achèteras si tu passes donc pour le radin de la famille quand même. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et tu t'achèteras quand tu auras plus de 60 ans. Mais non, parce qu'après, t'invites tout le monde dans ta petite maison à Noël. Mmh. Donc au final, t'es pas radin. Donc, c'est-à-dire que pendant 60 ans, donc à partir de tes 20 ans, donc. pendant 60 ans, donc, si je suis ta logique, Paulette, oui, oui. Tu n'offres de cadeaux à personne. Personne. Tu arrives à l'âge de 80 ans et là tu dis, je vais acheter une maison pour tout le monde. Oui, elle est pour tout le monde, tout le monde peut venir. Sauf qu'à 80 ans, t'as oublié que t'avais jamais fait de cadeau parce que t'as Alzheimer. Ah, mais non, oh, donc en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais, non. Bon, non, mais ta théorie ne marche pas. Ouais. Mais c'est là où tu te dis quand même que les personnes qui disent que Noël c'est une fête commerciale et qui ne la fêtent pas, ils sont peut-être un peu casse-délire, mais eux, ils ont 100 000 balles en plus. C'est ça. C'est vrai. Ça fait réfléchir. Ouais. Autre chiffre sur Noël. Oh putain. Cette musique. Elle est récente, hein. Ouais. Ouais, là, là, là. Ouais, je sais. Un sondage a déjà demandé aux Français ce qu'ils veulent cette année pour Noël. Ouais. Ah, alors. Voilà les résultats. Qu'est-ce que vous voulez, tiens? Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Moi, une petite PS4 Pro. Une petite PS4 Pro. Je te remercie. Oh là là. Tu me remercies de t'avoir posé la question. Ou éventuellement d'y penser. Comme cadeau, lancer une cagnotte peut-être. Tu voudrais une petite PS4 Pro? Petite, hein. J'ai une idée derrière la tête. Non. Oh là là. J'ai une idée derrière la tête. Oh là là. Je réfléchis. Ok. Qu'est-ce que vous ferez plaisir pour Noël? Si t'as une idée derrière la tête, moi un petit séjour au soleil. J'ai plus d'idée derrière la tête. Désolé, la PS4 Pro prend toute la place derrière la tête. Yes. Alors écoutez bien ce que les Français veulent pour Noël cette année. 21% veulent un voyage, comme Paulette. Ah bah oui, énorme. 20% veulent de l'argent et 13% veulent un livre. Je prends le livre. Je suis pas radin, mais si ça vous dérange pas, je vais être ami avec les 13%. Voilà. 7h40. Didier Steck sur Énergie avec Selena Gomez. Juste après, on joue au jeu des 5 mots et la console de jeux vidéo de vos rêves. On vous l'offre. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él, va. Oh, oh, oh, oh. I feel the high flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Hey, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Keep it tight every day. And I know you need a taste. And I, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. But I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, yeah, my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Soyez les bienvenus sur Énergie. Nous tentons tous de sauver le monde. Oui. Ouais. Mais à nos niveaux. Ouais. On fait tous des choses, on essaie de recycler, on fait attention à ce qu'on mange, etc. etc. Les emballages, tout ça. Exactement. Et c'est bien le temps de se dire, et vous, comment vous sauvez le monde à votre niveau? 0 870 42 48, ça peut être un tout petit niveau. Ouais. Mais nous sommes si nombreux sur Terre que si chacun fait un tout petit truc, ce petit truc fois des milliards donnera la puissance. C'est wow. beau, Manu. Ouais, joli, bravo. Ah ouais. Non, honnêtement, ma phrase, elle veut pas dire non, grand chose. Non, si, si, si, c'est si. Qu'il y a du fond quand même. C'est pas mal, hein. Ah, ok, vous êtes gentil. Ouais, un peu gourou. <D'accord. mais c'est... rire> Comment sauvez-vous le monde à votre niveau? 0870 42 48. On vous prend au téléphone juste après Lady Gaga. Mais avant ça, on a un beau cadeau pour vous. Mickaël, bonjour. Salut Manu, salut le bon. Salut. Coucou. Bienvenue sur Énergie, Mickaël. Quelle est la console de jeu de tes rêves? Ah bah pour moi, ce serait la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, elle arrive pour toi, peut-être dans quelques secondes, si tu gagnes au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. Les règles, elles sont simples. Quelqu'un de l'équipe va sortir, j'ai annoncé que ce serait Paulette. Oui, j'y vais. Allez, c'est parti, Paulette sort du studio. Mickaël, une fois que Paulette sera sortie, la porte on l'a entendue. Ouais. Elle est sortie, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, je fais revenir Paulette, je fais pareil avec elle. Et si vous avez un mot en commun, il suffit d'un seul mot en commun, et ben c'est gagné, d'accord? Ça roule, mais je suis obligé de gagner de toute façon avec Paulette. Hein. Mais oui. Ouais. J'aurais pas dit ça. Allez. Non, j'aurais dit, je suis obligé d'être très très bon. Ouais. Mickaël, on croit en toi, on croit en Paulette, c'est parti, on joue au jeu des 5 mots pour la Nintendo Switch. Libre. Liberté. Non, c'est le même racine. Emprisonné. Bleu. Rouge. Candidat. Élection. Neige. Ski. Saison. Été. Ouais. Attention. Ouais. Ah ouais. Le plus dur commence maintenant. Avec le mot saison, j'ai une chance sur 4 de gagner. Eh oui. Mais le plus dur, comme je viens de le dire, commence maintenant. Nous allons faire revenir Paulette. Oh, arrête. Attention, Paulette revient dans le studio. Un mot en commun et c'est gagné. Ok, c'est parti. Ah d'accord. Ah ouais, allez, taquet. Wow. Oh, elle est chaude. Wow. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots pour la Nintendo Switch pour Mickaël. Okay. Libre. France. Libre, France. Liberté, égalité, je pense. Ouais. Jusqu'à la pensée à ça. Oui, ah. La révolutionnaire, quoi. La France libre, monsieur. T'as Pardon. Pensé à quoi? Wow. Liberté, égalité, fraternité. Ah oui, non, totalement. Désolé, libre, je sais pas. D'accord, alors il avait dit emprisonné. Ah ben ouais. Oui. Voilà. Le contraire de libre. Mickaël, ça va toujours? Ça va toujours. Il était pas facile le premier mot. Non, non, non. Non, non franchement, il était pas facile. Non, il était pas facile. Pas facile. Il reste 4 mots. Bleu. Blanc. Oh non! Mickaël avait dit rouge. Ah ben bleu, blanc, rouge. Ah bah la oui, France, bah, encore. Bleu, blanc, rouge. Ah oui, vous êtes. Ok. Alors on n'est pas sur un thème, hein, Paulette. Hein. Concentre-toi, vas-y. Allez. Oui, oui, oui. Il reste 3 mots. Candidat. Élection. Ouais! Wow tu vois que je peux y arriver? Thématisé aujourd'hui. Waouh! Wow. C'est bien. Ah. Oh, merci Paulette, merci Paulette. Ah bah de rien. Paulette! Paulette. Oh. Il restait quand même 2 mots, les 2 derniers mots. Neige. Froid. Il avait dit ski, Mickaël. Et enfin, saison. Eh ben j'aurais dit ski. Et on peut pas redire. Saison ski. Ouais, saison. Il fait une saison au ski. Ouais, saison, il fallait donner un nom de saison, quoi. Ouais. Oh bah hiver alors. Oui bah non. Ouais. Il avait dit été, tout donc... Mickaël, wow. Un mot en commun, on peut dire que t'as eu du cul. J'ai eu chaud. Mickaël, bravo à toi, la Nintendo Switch, elle arrive très vite chez toi. Oh, super Manu, super énergie, merci tout le monde. On peut dire maintenant que la semaine démarre vraiment. Ça y est, Paulette a fait le jeu des 5 mois. Ouais. Mickaël, belle journée à toi, tu nous rappelles quand tu veux, 7h47. On va s'écouter Lady Gaga et Bradley Cooper. Et juste après, comment sauvez-vous le monde? Même un tout petit niveau, vous faites un tout petit truc, mais vous... Ben vous aider. Ouais. À quel niveau sauvez-vous le monde? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Tell me something, boy. Aren't you 50. Bon réveil sur Énergie, on va écouter Kygo, Imagine Dragons à 8h05, on va doubler votre salaire et on le fait de temps en temps dans l'émission, on essaie de sauver le monde. Oui. Ouais. Enfin, on essaie de le faire tout le temps, de sauver le monde, mais on se le dit là. Ouais. Quelles sont les petites choses qu'on fait où on se dit, tiens, là à mon niveau, j'ai sauvé le monde. J'ai un exemple, j'avais un emballage chez moi ce week-end, ouais. J'ai détaché le plastique du papier pour bien mettre le plastique dans la poubelle plastique et le papier dans la poubelle papier. C'est bien, c'est cool, c'est ça. Cool. J'étais content de moi. Ouais. Il y avait même une agrafe, j'ai récupéré l'agrafe pour la mettre dans la bonne poubelle. J'avais un peu de temps, ouais, effectivement, ce week-end. D'accord. Et ben, je me suis dit, à mon niveau, je sauve le monde. Si tout le monde prend ses agrafes et les met dans la bonne poubelle des agrafes, et ben, ça fait quelque chose. Ouais, c'est vrai, il a raison. À quel niveau, à votre niveau, ben, vous pouvez changer le monde, vous changez le monde un petit peu. Nico. Moi, je lave jamais mes jeans. Oh ouais. Non, mais ça se lave pas un jean. C'est Monsieur Levis, l'inventeur du coup des jeans Levis, là, la marque. Oui. Et ben, qui a dit que pour garder la couleur et la structure du jean, c'est pas bon du tout. Mais alors, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais à un moment, quand ton jean, il est sale. Bah, alors ouais. Non, mais si tu fais effectivement une tache dessus, etc., là, c'est compliqué. Ah voilà. Mais après, tu peux. Sinon, il faut le laver à froid. Tu vois, tu le laves vraiment. Non, mais tu le laves dans un lavabo, un truc, tu le fais. Oh. Mais je le mets jamais à la machine. Oh, c'est ouais. La base du style. Alors, moi, Nico, j'ai jamais écouté Monsieur Levis. Ouais. Et ben, j'ai toujours lavé mes jeans et tout va bien. Ils sont parfaits. Hein. Non, mais parce que tu le sais pas, mais la matière et tout, elle est plus bonne du tout. Non, mais attendez, on parle de la planète ou on parle des jeans? Parce que là, honnêtement, des jeans. Ouais, c'est ça. En quoi vous sauvez un peu le monde? Parce que mine de rien, ne pas laver ses jeans, ça veut dire économie d'eau quand même. Oui, bien sûr, une machine, c'est beaucoup de flotte. Ouais, oui, mais alors, pas. En quoi vous sauvez le monde? Comment à votre niveau vous sauvez le monde? Marie, bonjour. Bonjour Annie. Bienvenue sur Énergie Marie, on t'écoute. Alors moi, à mon niveau, pour sauver le monde, je travaille dans une petite entreprise locale végane. Végane, c'est-à-dire vous faites des produits véganes à manger? Non, des produits cosmétiques. Ah. Des produits cosmétiques véganes. Ah bon. C'est-à-dire, c'est fabriqué à base de légumes? Alors, c'est pas fabriqué à base de légumes, ce sont des produits entièrement naturels qui ne sont pas testés sur les animaux. Les emballages, ils sont biodégradables et, les produits sont bio. Alors, tu sais quoi? Vrai de vrai, j'ai vraiment testé un liquide vaisselle bio. Ouais. Je me suis dit, autant. Et alors, je l'ai vidé très vite parce qu'en fait, ça ne nettoyait pas. Sérieux? Ah bon? Non, mais c'est. Alors, bah ouais, celui-là, il marchait pas des masses. Alors, du coup, ça m'a déçu. Il faut que je retente. Ouais. Ah, si, ouais. Ah, ouais, non, mais moi, ça m'a. Vraiment, t'aimes, ça m'a... t'aimes bien quand ça mousse? Moi, je... C'est ça, faut que ça mousse. Mais non, mais non. Bah, non, je veux que ça dégraisse, quoi. Parce que moi, autant la bouffe, je m'en fous, j'achète pas bio, mais le liquide vaisselle, c'est le seul truc que j'achète bio. Ah bon, bah, donne-moi ta marque, alors. Et ça marche plutôt pas mal. Bienvenue dans Bio, mon, ah ouais. Bio, mon copain, notre nouvelle émission sur énergie. Merci de nous avoir appelé, Marie. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour sauver la planète, Isa? Je garde tous les dessins qui sont ratés de mon petit garçon. Tu vois, je les jette pas, je les garde et en fait, ça me sert de papier brouillon. Ah, ah ouais. Voilà. Mais quand il a fait des dessins, par exemple, sur les deux côtés. Alors là, ben tu je peux les le recycler, quoi. Bah oui, ouais. Bon, je sais pas. Là, j'ai jamais eu ce cas de figure. En fait, il dessine que d'un côté. Donc ta question m'énerve. Ah, bah, excuse-moi, c'est pas moi qui ai parlé des dessins ratés de ton fils, parce que en revanche, je peux en parler des dessins ratés de ton fils. Il est pas très doué. Hein. Oh, dis donc. Tiens, vous avez vu quelqu'un ou pas? Oh, tu arrêtes. Sonia, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. En quoi, à ton niveau, tu sauves le monde? Eh ben écoute, moi, à mon niveau, je ne vais pas au restaurant sans un tupperware pour ramener ce que je ne mange pas, pour ne pas gâcher, que ce ne soit pas jeté. Ah, le fameux doggy bag. Ah, ouais. Oh, c'est cool. Ouais. Mais ce truc-là, par exemple, aux États-Unis, ils le font tous. Ouais. Oui. C'est dans les mœurs, c'est traditionnel, c'est culturel. Nous, quand tu vois un mec faire ça, ils sont surpris, les gens, Sonia, non? Bah, ça se fait de plus en plus, en fait, en France. Ouais. Tu vas dans n'importe quel resto maintenant, de plus en plus te le proposent sous forme de basket à luce. Ce que je trouve dommage avec la luce, c'est quoi qu'il arrive, tu vas le jeter. Oui, en même temps, si elle arrive avec son Tupperware, le message est clair, quoi. Elle, elle dit qu'elle veut un doggy bag, du coup, quoi. Ah oui, évidemment. Ouais, ouais. Ouais. Et le plus surprenant, c'est de le faire avec la table d'à côté, quoi. À la fin de ton repas, toi, tu prends juste une petite salade et après, tu récupères les steaks de partout. C'est bon, on a à manger pour la semaine. Merci de nous avoir appelé, Sonia. Belle journée à toi. Glandu, pour sauver le monde, qu'est-ce que tu fais? Moi, une fois sur deux, je mange mes knackis froides. Du coup, ça fait une économie de micro-ondes. Ouais. Oui, c'est pas... Bah si, attends, ça économise de l'énergie. Hein. Alors après, je le fais plutôt par flemme, mais du coup, ça, c'est bien pour la planète. Tu sais quoi, si on peut allier l'utile à l'agréable? Voilà, ouais, ça, ouais. Paulette, pour sauver la planète? Je brosse ma chatte. Du coup, bah, moins de poils. Ah d'accord, ok. Donc, Oui, miaou miaou, oui, ma chatte. Miaou miaou. Du coup, moins de poils, moins de coups d'aspi, moins de dépenses d'énergie, et je sauve le monde. Voilà. Mm. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais. Alors, pas super convaincu par ta théorie. Elle est angora. Hein. Elle a énormément de poils. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Et en quoi le fait de brosser les poils de la chatte? Et bien en fait, ils s'enroulent dans l'espèce de brosse et je les enlève et je les jette à la poubelle. Ouais. D'accord. Alors, et en plus, elle prend du plaisir. D'accord. Parce qu'elle adore que. Mais en quoi ça sauve le monde? Mais ça met pas des poils partout, parce qu'avant je passais l'aspirateur une fois par jour, vous rendez pas compte, une chatte angora. Hein. Ouais. Paulette ne sera pas ministre de l'écologie, on est d'accord? Non mais honnêtement, voilà, Paulette est là. Tu l'avais ministre de quoi? Des animaux mignons. Ministre des animaux mignons. Ça marche. Eh ben voilà, vous savez comment on sauve la planète et comment on la sauve pas. On revient tout de suite avec les infos, on va doubler votre salaire à 8h05 et on va s'écouter Kygo et Imagine Dragons. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Aujourd'hui c'est lundi et c'est reparti. Énergie. Gagnez vos places pour la soirée foot regardée par la planète entière. Le Ballon d'Or. C'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à... Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Ah non. Seul Rico possède les tickets. Il vous les offre ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show. Ce soir, 20h sur Énergie. Nocibé. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres de dingue toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. Le parfum La Petite Robe Noire de Guerlain 50 ml et les crèmes Extra Formine de Clarins 50 ml. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Et si nous avions tous la peau fragile? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Realba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile. En pharmacie et parapharmacie.

descendus dans la rue pour exprimer leur colère face à la hausse du tarif du carburant. Plus globalement, c'est l'augmentation du coût de la vie qui pose problème. Encore quelques opérations coup de poing aujourd'hui près de Nantes, autour de Bordeaux ou encore à Lyon. Le prochain grand rendez-vous aura lieu en fait ce week-end. Un nouvel appel à manifester, cette fois sur la place de la Concorde à Paris, a été lancé pour samedi. De son côté, le Premier ministre assurait hier avoir entendu la colère des Français tout en promettant de garder le cap à l'avenir. Dans l'actu également, le service national universel aujourd'hui en France donne des précisions ce matin. Un passage obligé pour tous les jeunes Français de 16 ans. Ils seront 800 000 appelés chaque année dès juin prochain. La durée, un mois obligatoire, dont deux semaines à dormir ailleurs que chez soi, avec possibilité de prolonger pendant trois mois ou plus pour les volontaires. Un moment de partage pour apprendre des gestes qui sauvent ou encore se former à l'écologie, ça reste encore à définir. 90% des ados interrogés dans un sondage estiment que le SNU leur permettrait de rencontrer des jeunes issus de régions et milieux sociaux différents. Le sport, le tennis, le Masters de Londres, le tournoi des maîtres qui clôture chaque année la saison individuelle avec les 8 meilleurs joueurs de la planète. Grande première pour l'Allemand Zverev qui s'est imposé hier à seulement 21 ans. Considéré comme le plus grand espoir du moment, il a battu Novak Djokovic en finale. Et puis pas mal de sport aussi au programme cette semaine avec encore du tennis. À partir de vendredi à Lille, cette fois, la finale de la Coupe Davis. Les Bleus remettent leur titre en jeu face à la Croatie, ce sera très compliqué. On a du foot également avec l'équipe de France en amicale demain contre l'Uruguay, le remake du quart de finale de la Coupe du Monde. Sinon, tout autre sujet, vendredi encore, ce sera le Black Friday, une journée de prix cassés sur Internet notamment. Ça commence déjà d'ailleurs aujourd'hui un petit peu partout. Elle est un peu plus discrète en ce moment, c'est normal. Taylor Swift parcourt le monde pour ses concerts. Son Reputation Stadium Tour fait un carton. C'est même devenu officiellement la deuxième tournée la plus rentable de l'histoire pour une artiste féminine. Devant, on retrouve le Sticky and Sweet Tour de Madonna. Il y a quand même déjà maintenant 10 ans. Taylor Swift a quand même encaissé plus de 300 millions d'euros pour une grosse cinquantaine de shows. 8h04, c'est la fin de ce flash. On est lundi 19 novembre. Une nouvelle semaine qui commence avec Manu dans le 6-9 comme d'habitude. Nous, on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée. C'est nous. Et bonjour. Et bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Nico. Et bonjour Manu. Et bonjour. Et bonjour Isabelle. Et bonjour. Bonjour Paulette. Bonjour. Et bonjour Glandu. Et bonjour Manu. Alors vous savez quoi? Je reçois régulièrement des messages où on me dit mais pourquoi tu dis et bonjour? Ouais. Qui tu imites? On m'a demandé ça. Ouais. Mais qui tu imites quand tu fais et bonjour? Mais non, t'as créé un petit personnage. Ouais, oui, il est comme ça. Et bonjour. Et ça me fait rire. Kygo et Imagine Dragons arrive dans deux minutes. Mais avant ça, on va doubler votre salaire. Mais avant ça, parlons sport. Ah. Ouais. Ce week-end, on a connu des hauts et des bas en sport. Ah ouais. Ah oui, oui, l'équipe de France de foot, bon, a perdu 2-0 vendredi contre les Pays-Bas. Ouais, c'est chiant. Mince. Mais ça arrive. Non, normalement, ça devrait pas arriver. On est champion du monde, quoi. Ah. Putain, et on. Ah ouais, non, moi sur le terrain, j'aurais été intraitable, quoi. J'aurais dit bougez-vous le cul, les gars, quoi. À la mi-temps, j'aurais dit ça. Hey, coach Glandu. Ah ouais, j'aurais dit ça. Mais il crée un bouquin sur le management. Hein. Alors l'équipe de France de foot a perdu, mais l'équipe de France de rugby a battu l'Argentine. Ouais, c'est bien. 28 à 13. Alors pourquoi les scores aussi gros au rugby? Eh bien, à cause d'une règle tout simplement que va nous expliquer maintenant Isabelle. Bah ouais. Okay. C'était une vanne, hein. Je sais que tu. Le jour où tu nous raconteras tu une règle de sport. Ouais. C'est peut-être à cause de la mêlée? Non. Alors non, c'est pas grave. Et non, c'est qu'en fait, on compte pas par un, en fait, tout simplement. Ah, quand tu fais un essai, c'est 3 points, etc. Un essai, c'est 5 points, transformé 7. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais dire. Non, mais en plus, faut être bon en maths pour jouer au rugby, quoi. L'enfer. Non, là, c'est pas des maths, là. Tu t'enfonces, là. Ouais. Non, on dit qu'on est des ouin-ouin, mais c'est une vanne. Ouais. Hein. Tu l'as trop pris au premier degré. Merde. On va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Laure habite Flaviac, c'est en Ardèche. Elle a 23 ans et elle touche 1528 euros chaque mois. Laure, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Elle a été sur Manu dans le 69.com pour s'inscrire et elle a eu raison. Attention. Allô? Allô, c'est Laure? Oui. Laure de Flaviac en Ardèche? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu dans le 69 sur Énergie! C'est ça. Ouais. Ah, je vous j'adore, c'est super. J'ai l'impression que t'es contente. Hein. L'or, 1528 euros fois 2, ça va faire 3056 euros. On te double ton salaire, bravo à toi. Oh, je peux pas mieux commencer la semaine là. Effectivement. L'or, tu es plombier. Ah, c'est ça. Et tu sais quoi? T'es ma première femme plombier. Bah ouais. Il faut une première à tout. Non mais alors vraiment, je crois que j'en connais pas. Et on dit plombière? Moi je le dis. Ah ouais. Je le dis, et si tu le dis pas, je te casse la gueule. Okay, on fait tout comme tu veux. D'accord. Mais c'est rare, les femmes plombiers. Les gens, ils sont surpris quand ils te voient arriver devant, dans leur maison. Au début, oui, ils sont un peu pleins d'a priori, mais je leur fais vite changer d'avis. Ah ouais. Tu leur dis, ouais, je te casse la gueule. Ok. Ouais, je suis meilleure que toi, et alors? C'est déjà arrivé qu'un client, il te drague? Les clients pas tant, les collègues un peu quand même. Au début, il y a toujours La vanne, évidemment, parce que comme client, t'es toujours à quatre pattes dans le truc. Non mais c'est vrai, ça doit vanner sec. Ça arrive, il faut les remettre à sa place. C'est très bien. C'est bizarre, tu lui montres. Regarde, ça, c'est une clé à molette, une clé de 16. Tu sais où elle va aller, la clé à molette? Oh non. Ok, d'accord, Laure, il n'y a pas de problème. Je vais le faire moi, en fait, ce truc-là. Tiens, va boire un café. On te double ton salaire, Laure. Bravo à toi. 3056 euros, ça arrive très vite. C'est super, merci Manu, merci les Wawas, vous êtes géniaux, je vous écoute tous les matins, vous mettez de bonne humeur et continuez comme ça, c'est super. Eh ben merci à toi d'être là chaque jour avec nous. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire, vous allez sur energie.fr, manudansle69.com ou l'application manudansle69, vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes et je vous le rappelle évidemment c'est gratuit. Dans 3 minutes, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires juste après Kaigo et Imagine Dragon sur Energie. Il est 8h12, on va écouter Vita et Slimane dans 3 minutes. Mais avant ça, voici comme chaque jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Les concours du jour. On adore. Des très très belles histoires aujourd'hui. On démarre en Angleterre. Ce week-end a eu lieu le championnat du monde de fléchettes. Et les deux joueurs de l'Écosse et des Pays-Bas risquent l'élimination. La raison, écoutez bien. Ils s'accusent mutuellement d'avoir pété pendant que l'autre jouait pour le déconcentrer. Quoi ? C'est pas improbable. Je lis texto ce qu'il s'est passé. Ouais. Incroyable. Et l'organisation va devoir prendre une décision. Chacun dit, lorsque je jouais, lorsque je lançais ma fléchette, l'autre pour me déconcentrer. Ils sont adultes, hein, ces gens-là. Quand même. Ah, ils sont adultes. Ah, d'accord. Okay. Ils sont adultes. Après, ouais. C'est vrai que pour le déconcentrer, quand t'es aux fléchettes, tu peux pas te mettre devant, par exemple. Ouais. Non. Ah non. Ah, oui, t'es obligé d'être subtil. Ouais. Ça se fait pas. Et là, c'est subtil. À Grenoble, un homme a été arrêté par la police et il risque très gros pour avoir grillé un feu rouge qu'il n'avait pas vu. Alors, pourquoi il risque très gros à cause d'un feu rouge ? Parce que s'il ne l'a pas vu, c'est parce qu'il était en train de faire l'amour au volant. Voilà. Avec sa compagne sur lui. Mais non. Ah, et qu'en plus, il a grillé le feu devant les policiers. Oh là là. Et donc, l'arrestation a eu lieu dans la position que vous imaginez. Oh là là là. On veut pas imaginer. Ouais. Voilà. Effectivement, au code de la route, ça n'existe pas. Non, et puis, situation. Quand tu te fais arrêter, qu'est-ce que tu dis ? C'est pas ce que vous croyez. On n'arrive pas à retrouver un mouchoir. Troisième concours du jour. C'est vous qui nous l'avez envoyé. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Et de temps en temps, vous nous envoyez des histoires improbables qui vous sont arrivées. Et on les met dans les concours du jour. Écoutez bien cette histoire. Ouais Manu, tu voulais des concombres. Alors moi, je suis formateur en sécurité privée. Et là, je suis en train de corriger un examen blanc. Il y a un des nouveaux agents de sécurité qui me marque que le vol, c'est l'action de voler. C'est un ensemble de mouvements qui permet à un oiseau ou autre de se maintenir en suspension dans l'air par le biais des ailes. Voilà. Génial. Incroyable. Génial. Ah ouais. T'imagines, lui, le jour où il est agent de sécurité dans un magasin. Non, il ne sera pas, lui. Lui, il va aller regarder les oiseaux. N'hésitez pas, vous envoyez des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9 et on les écoute tous. 8h14, Vita et Slimane arrive, c'est juste après ça. Manu dans le 6-9. Papa dans le 6-9. Sur Énergie. Oh, et c'est le jeu de Glandu, en fait. Ouais. Dans 5 minutes, t'as préparé? Oui, question. Comme tous les lundis, parce que c'est bien de démarrer la semaine avec de l'amour, et ben il y a le jeu de Glandu tous les lundis à 8h20. On se met sur la tête. Ouais. Oh là là. Il nous pose des questions. Chacun notre tour, elle commence toute part. D'après toi, qui est dans le studio? Oh, j'ai hâte. C'est dommage, on s'entendait bien là depuis ce matin. Depuis ce matin. de tous les jours, quoi. Merci, Pauline. Ouais. À tout de suite. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer, si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flow como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dándame, dándame, dándame. La Hindi Mashup, Bogotá para rumbear y Boja para danzar. No llego a todos a Vipura y en el Oriente. Quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente mecha, Bogotá pa' rumbear y Boja pa' danzar. No llego todo ya, Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea. Quiero el ritmo sin ley. El papi Pipura, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con la mano para arriba. Mamu. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo que rap Killian Bo Muller. Que lo que la Hindi Mashup. Bonjour, c'est Evelyne Delia. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et attention, Evelyne Delia, je l'ai entendu, elle l'a dit hier à la télé, le froid va s'installer cette semaine sur toute la France. Oui. Avec de la neige annoncée pour demain, entre 2 et 5 cm sont attendus et ouais, ça peut tomber partout. C'est cool, Noël sous la neige. Ouais. Alors, 8h18, j'aime bien. Vita et Slimane tout de suite et juste après c'est le jeu de Glandu. Un moment de radio pendant 3 à 4 minutes où on se met sur la gueule, ouais. C'est bien résumé, ouais. Il pose une question à chacun d'entre nous et chaque question démarre toujours par: d'après toi, qui est dans le studio? Et là ça part en sucette. C'est juste après Vita et Slimane sur Énergie. Soyez les bienvenus, on est lundi, c'est le 19 novembre. On démarre la journée tous ensemble. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là, quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Allez, on y va. Wow. 8h21, soyez les bienvenus sur NRJ. On va écouter Dadju, il y aura aussi Georges Ezra. Mais avant ça, oui, on y va. Bah ouais. Oui, il faut. Allez, on y va, c'est parti. Comme chaque lundi aux alentours de 8h20, on est important, et 8h22, on est dingo. Ouais. Voici le jeu de Glandu. Le principe est très simple, il va nous poser une question chacun notre tour. Et chaque question démarre par, d'après toi, qui dans le studio? Ouais. Allez, on y va. Et on va commencer par Nico. Oh. Nico, d'après toi, qui dans le studio pardonnerait le plus facilement à son partenaire de l'avoir trompé? Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, qui est le plus détente? Ça, je dirais que c'est Isabelle. Ah ouais? Isabelle, ouais, il y a quand même beaucoup de choses en jeu, non? Moi, dans le couple d'Isabelle, il y a des enfants et tout. Et je pense qu'elle serait plus du style Isabelle à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et tu vas essayer de le raisonner un petit peu, quoi. C'est vrai. Enfin, je le gronderai quand même, hein. Je veux dire, oui, mais ça n'irait pas comme ça tout seul, hein. Je le gronderai. C'est vrai que là, en disant, hey, si tu le fais, je te gronde, là, tu mets la pression. Hein. Ah ouais. Non, mais je veux dire, là, c'est ce qu'il fait ton mec là en train de nous écouter. Il fait des bons dans la maison. Comme un fou. On enchaîne, Isabelle. Oui. D'après toi, qui dans le studio accepterait de se faire amputer une jambe si il ou elle recevait 10 millions d'euros? Oh. Bah, sans hésiter, c'est toi, Glandu. Bah oui. T'es tout le temps en train déjà de parier avec Manu. Ouais. T'es radin. Jambe, t'es un petit peu radin quand même. Non, je suis pas radin, je suis économe. Non, j'avoue, ça me ferait chier. Après, si tu me donnes un petit mojito et tu m'envoies aux Bahamas, là, j'accepterais mon sort, quoi. Ah ouais? Ouais. Attends, tu veux dire que tu te fais couper une jambe, on te file 10 millions d'euros, plus un voyage aux Bahamas? Non, dans les 10 millions, je me les paye avec les gens. Ah oui? Ouais, je me les paye. Tu fais couper une jambe pour 10 millions? C'est compliqué, mec. Mais avec 10 millions d'euros, tu t'achètes une jolie prothèse, hein. Ouais. Oui, enfin, elle est jolie. Mais ça reste une prothèse. Bah non, mais tu peux refaire du sport. Oui, mais bon. Ouais. Non, mais 10 millions, c'est pas mal, 10 millions. Ah, 10 millions, c'est pas mal. Hein. Ah, mais une jambe, les gars. Oh. Oui, mais 10 millions. Ouais, et puis il faut que ce soit quelqu'un dans l'équipe. Bon, c'est tombé sur moi. Ouais. Manu, d'après toi, avec qui dans le studio tu ne voudrais jamais échanger ta voix? Isa. Mais pourquoi? Mais t'exagères, Manu. Enfin. Bah voilà. je peux pas parler comme ça. Mais c'est vrai que c'est sorti tout seul. Mais non, mais ça me ferait bizarre d'avoir ta voix. Mais ça t'irait super bien. Mais non, ça m'irait pas. T'as une jolie voix, mais ça m'irait pas, moi. C'est vrai, forcément. Mais sa voix, c'est un bisounours, t'as envie de lui faire des câlins? Pardon, je change, Paulette. Ok, accepté. Me fais de me taire. Paulette, tu vas pas te venger. Qui dans le studio est le plus ridicule tout nu? Bah, c'est pas du tout pour me venger, mais c'est toi, Manu. Pourquoi? Bah, pas parce que t'es ridicule, parce que je te trouve pas du tout ridicule. Je trouve que t'es même un mec assez mignon. Bah, l'assume pas. Mais pas du tout. Alors, pas du tout. Et pourquoi je serais plus ridicule? Mais c'est parce que je t'ai vu quand t'es mal à l'aise. Et quand t'es mal à l'aise, t'es ridicule. Et quand tu danses, par exemple, on dirait, tu sais, un mec à une espèce de pantin qui a plus du tout de sens, tu vois, pour aller. Ok. Et mais quel rapport avec le fait d'être tout nu? Bah, on est mal à l'aise quand on est tout nu. J'aimerais bien te voir sur une plage nudiste. Je pense que tu te tiendrais pas droit. Hein. Bah, non. Et puis, tu dis souvent que t'as un petit zizi. Du coup, tu dois être un peu rigolo. Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais. Toi, tu poses des questions, tu réponds pas. Ouais. Non. Alors, Glandu, c'est pas un pote, hein, il te défend pas. Comment il m'a lâché? Tout ça parce qu'il vient de gagner 10 millions d'euros. Ouais. C'est ouf. Le jeu de Glandu, c'est tous les lundis. Si je t'ai vu, je suis jaloux. On va se reposer, on se repose pendant une semaine et on y revient. Dadju arrive tout de suite, juste après les infos de 8h30 et les sondages du matin aussi arrivent dans une dizaine de minutes. Mais oh. Quoi? Le plus important qui arrive dans un instant, c'est le son à 10 000 euros. Mais oui. Ah ouais. Ah, vous croyez qu'on allait l'oublier? Ah bah non. Alors. Le son à 10 000 euros. Bon, la vérité, c'est que j'avais un peu oublié, là. Le son à 10 000 euros dans 5 minutes, juste avant les infos de 8h30, je vais vous faire écouter un son. Ça fait une semaine qu'on vous le fait écouter, il n'a toujours pas été trouvé. Ouais. Vous le trouvez, vous gagnez 10 000 euros. Wow. Et attention, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va peut-être vous faire avancer. Ah. Chaque jour, vous avez 3 chances de gagner. Mm-hmm. Aujourd'hui, dès que je vous prendrai au téléphone, vous aurez la possibilité soit de faire 2 propositions, trop bien, soit d'avoir un indice, mais une seule proposition. Oula. Ah. Donc vous allez peut-être avoir 3 indices aujourd'hui. Ah ouais. Le son à 10 000 euros arrive tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Pour bien démarrer la semaine, faut écouter Manu. C'est Manu dans le 6-9. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, tonight. Daki, daki, daki, daki, room. Hits music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, vous connaissez la nouvelle? Non, je sais, je sais quoi. C'est quoi? Bah les noix sèches. Aujourd'hui et demain chez Lidl, le kilo de noix sèches est à 3,99€. Moins de 4 euros le kilo de noix? Moi j'y crois pas, c'est encore un prêt à la noix ça. Non, c'est le vrai prix, 3,99€ et origine France les noix. Hein. Oh, c'est vraiment les rois de la noix. J'en prends avec une barquette de mâche. Ah, oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Toyota.

Bon, là, c'est bon. Ouais, ouais. Quel est ce son? 0 870 42 48. Vous nous appelez maintenant. Et attention, les amis, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des indices supplémentaires. Trop bien. Ouais. Mmh. Quand vous allez nous appeler, vous aurez le choix. Soit vous faites deux propositions, soit vous en faites une, mais avant, je vous donne un indice. Ok. À vous de choisir. 0 870 42 48. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. 8h33, on est légèrement en retard. Voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est froid ce matin sur toute la France. On est même en dessous de zéro sur une bonne partie de la moitié nord. Du soleil, en tout cas attendu au réveil. Ça se couvre par l'est au fil des heures. On annonce quelques gros flocons dans le Grand Est aujourd'hui. Cette nuit, il devrait neiger jusqu'en région parisienne et ça pourrait tenir d'ailleurs demain midi. Au max, ce lundi, on aura 5 degrés à Sedan et au Serre, comptez jusqu'à 11 pour Albi. Rendez-vous samedi, place de la Concorde à Paris. La prochaine grosse mobilisation des Gilets jaunes aura donc lieu ce week-end dans la capitale. L'appel a en fait été lancé hier sur les réseaux sociaux après deux jours de protestation contre la vie chère. Quelques barrages encore aujourd'hui, notamment du côté de Bordeaux, à Lyon, mais aussi dans le sud, près de Perpignan. En tout cas, c'est absolument pas comparable avec ce qui s'est passé ce week-end. Édouard Philippe, le Premier ministre, a déclaré hier qu'il avait bien entendu la colère des Français tout en promettant de garder le cap. Du changement sur la route, selon Aujourd'hui en France ce matin, les contrôles de police inopinés ne pourront bientôt pu être signalé sur les applis communautaires comme Waze ou encore Coyote. Un projet de loi sera en principe présenté en décembre pour une mise en pratique rapide. Le but, c'est de garder l'effet de surprise, notamment lors d'opérations terroristes, antiterroristes, de tests d'alcoolémie ou encore d'interventions sur des go-fast qui transportent de la drogue. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées, 7 jours de conférences, d'opérations de sensibilisation auprès du grand public, des patrons ou encore des recruteurs. Seuls 3% des Français en situation de handicap ont un travail à l'heure actuelle. Le foot, la D1 féminine hier, le choc du championnat en prime time à la télé, c'est un événement. Le PSG et Lyon se sont quittés sur un nul partout dans la capitale. Au classement, les Lyonnaises sont premières devant leurs adversaires du soir. Chez les garçons, cette fois, les Bleus reçoivent l'Uruguay. Demain, en amical, ce sera au Stade de France. Elle compte bien devenir la meilleure de vos copines. Aya Nakamura s'est installée dans des milliers de playlists avec son titre Dja Dja cet été. À coups de morceaux dansants aux sonorités afro-trap, elle est partie à la conquête des plateformes de streaming. Et depuis plusieurs semaines, elle se classe au sommet des hits et pas seulement en France. Pays-Bas aussi numéro 1, là aussi je suis numéro 1 aussi en Roumanie. Franchement je suis choquée, je me dis bon, ils comprennent pas le français mais c'est spécial tu vois. Et non, je suis super contente et étonnée en même temps. Il y a beaucoup d'argot, ouais, il y a beaucoup d'argot de langage de la street que je mélange aussi avec le langage français. C'est un, où j'ai beaucoup aussi des trucs afro aussi que je mélange dedans. C'est tout ça qui fait Aya Nakamura je pense. Voilà, interview signée Nicolas Abed, Aya Nakamura, qui sera en tournée dès le mois de mars. Ce sera un petit peu partout en France et ce sera l'événement l'année prochaine. 8h35, fin de ce flash, on est lundi 19 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée, une nouvelle semaine qui commence avec, comme d'habitude, Manu dans le 6-9 sur NRJ. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Il est 8h36, juste après Dadju, c'est le retour des sondages du matin. Chez nous, nous sommes 75% à le faire au moment du repas. De quoi il s'agit? Eh bien la réponse, vous êtes au petit déjeuner, ça marche aussi pour le petit déjeuner. Ah. La réponse, ça arrive après Dadju. Mais avant ça, on a 10 000 euros pour vous. Le son à 10 000 euros. Ça fait une semaine qu'on vous fait écouter un son, il n'a toujours pas été trouvé. Ouais. Attention, je vous le ferai écouter rapidement une fois. Quel est ce son? 0870 42 48, je vous l'ai fait écouter plusieurs fois d'ailleurs. Juste avant les infos, on va passer maintenant à vos propositions. Attention aujourd'hui, parce qu'il faut avancer. Ouais. Vous allez avoir le choix. Soit vous faites deux propositions, soit vous n'en faites qu'une, mais avant je vous donne un indice. Ah ouais. Ah. Faut bien choisir. 0870 42 48. Christelle est là. Bonjour Christelle. Salut Manu, salut Wama. Bienvenue sur Énergie Christelle. Est-ce que tu veux que je te donne un indice ou est-ce que tu veux donner deux propositions? Je veux donner deux propositions. On y va, Christelle. Quelle est ta première proposition? Alors, ma première proposition, Manu, je pense que tu appuies sur l'interrupteur d'une multiprise. Le bouton qui s'allume quand elle est en route. Pas con. Mais pas ça. Aïe. Oh non. Christelle, tu as encore la possibilité d'avoir 10 000 euros. Eh bien, deuxième proposition, je pense que tu allumes une lumière en appuyant sur un interrupteur style va-et-vient. Attention, style va-et-vient ou style interrupteur multiprise Je déconne. C'est pas ça. Christelle, deux propositions, c'est pas ça, tu peux nous rappeler. Thibaut, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Je vous ferai écouter le son à 10 000 euros. Quel est ce son, Thibaut? Tu as le droit à un indice si tu le demandes ou alors à deux propositions. Je vais choisir un indice, moi, Manu, s'il te plaît. Ok. Christelle a proposé juste avant que j'appuie sur le bouton d'une multiprise, que j'appuie sur l'interrupteur. Ouais. L'indice est le suivant. Je n'appuie pas sur quelque chose. Okay. Je n'appuie pas sur quelque chose. Wow. Okay. Thibaut, quelle est ta proposition? Moi, Manu, je pense que tu changes les piles d'une télécommande et que tu refermes le clapet derrière. Clac. Ah, le bruit du clapet. Aïe, aïe. Ah, dommage. Pas bête. C'est pas ça, Thibaut. Aïe, aïe. Mais c'est vraiment pas bête. Ah ouais. Philippine, bonjour. Salut Manu, salut les Wawa. Bienvenue sur Énergie, Philippine. Toi aussi, tu as le choix. Soit deux propositions, soit je te donne un indice, mais une seule proposition. J'ai choisi l'indice. Je vais te donner un bel indice. Ah ouais? Parce que j'aime bien ton prénom. Le mec facile. Je vais te donner la réponse. Philippine, écoute bien. L'objet n'est pas le même avant et après le son. Quoi? Il y a beaucoup d'indices dans cette phrase. Ah bah oui. L'objet n'est pas le même avant et après le son. Oula. Philippine, à quoi tu penses? Moi, je pense que c'est toi, Manu, qui enlève la clé USB du port USB d'un ordinateur. Oui, l'ordinateur, avec une clé ou sans la clé, c'est plus le même. Ah ouais. C'est pas ça. Oh, wow. Mais là, honnêtement, pour un début de semaine, vous faites fort. Je peux pas vous en dire plus. Je vous ai déjà donné deux indices. Je peux juste vous dire que vous vous rapprochez. Waouh. Wow. Le son à 10 000 euros revient demain. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. Ça va aller peut-être plus vite que ce que je pensais. Je suis un peu énervé. Dadju tout de suite sur Énergie. Le son à 10 000 euros reviendra demain. Et dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Soyez les bienvenus. On est lundi, c'est le 19 novembre. Et on démarre la journée tous ensemble. C'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un... qu'un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Bon réveil sur Énergie, on va écouter Georges Ezra et mon hit du moment. Le nouveau Z. Ouais. Ça s'appelle Happy Now, j'adore ça. Ouais. Je pourrais la manger. Pour de faux, hein. C'est une expression évidemment, je ne mange pas les gens et d'ailleurs je vous le déconseille de le faire, vraiment. Les sondages du matin, c'est tout de suite. Comme chaque jour, j'ai les sondages et on est le matin, d'où le nom, les sondages du matin. C'est fabuleux, Manu. Pour une femme sur deux, c'est ce qu'elle dit préférée par-dessus tout dans la vie. Oh. D'après vous, de quoi il s'agit ? Rire. C'est pas rire. Faire l'amour. Faire l'amour, non. C'est un truc que tu fais seul ou à plusieurs ? Seul. Seul. Seul. Le chocolat, manger du chocolat ? Non, c'est pas ça. C'est meilleure copine. Non, pour une femme sur deux, c'est ce qu'elle dit préférée par-dessus tout dans la vie. Peut-être méditer ? Non. Non. Non. C'est un objet ou une action ? C'est une action. Et tu le fais à la maison ? Oui, tu peux le faire partout. Enfin partout, pas partout, partout, mais tu peux le faire dans plusieurs endroits. D'accord. Et la réponse était, écoutez bien, c'est surprenant, pour une femme sur deux, ce qu'elle dit préférée par-dessus tout dans la vie, dormir. Ah bah tu vois, je suis pas toute seule. Ben non. Ah ouais. Non, t'es toute seule à dormir 15 heures par jour. Ouais. D'ailleurs, on fera un point sur le sommeil de Paulette tout à l'heure après les infos de 9h. Ouais. C'est incroyable, par-dessus tout, une femme sur deux dit ce qu'elle préfère dans la vie, c'est dormir. Ah oui. Ça veut dire qu'on est épuisé, quoi. Ouais. Épuisé ouais. par la vie. Oh la meuf, elle est, elle est au bout du rouleau. C'est tellement pas la définition de Paulette. C'est ouf. Les gens qui travaillent plus de 10 heures par jour ont plus de chances de... maîtriser bien leur sujet. Non. Non, c'est pas ça ? De gagner plus ? Non. Non. D'être fatigué ? Non plus. C'est positif ou c'est négatif ? Plutôt négatif. Hein. Ah. Les gens qui travaillent plus de 10 heures par jour ont plus de chances de... C'est lié au boulot ou c'est... ça n'a rien à voir ? Non, rien à voir avec le boulot. D'accord. C'est lié à la vie de couple ? Oui, c'est lié à la vie de couple. Pas se disputer ? Non, c'est divorcer. Ah, carrément. Les gens qui travaillent plus de 10 heures par jour ont plus de chances de divorcer. Putain, on a une chance, nous. C'est ouf ou pas ? Ah ouais, nous, on est heureux en amour, nous. Ouais, bah non, pas nous, toi. Bah, non, ah oui, pardon. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de rapport, hein, forcément, entre les heures de travail et la folie des couples. Hein. Ouais, je suis désolé. De là à me dire que t'en fous vraiment pas une, toi. Chez nous, nous sommes 75% à le faire au moment du repas. Chez nous, dans notre maison, dans notre appartement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait au moment du repas ? Se mettre devant la télé ? Non. Parler de sa journée ? Non plus. Mettre les assiettes bien parallèles avec les couverts, un truc. Non, non, t'es un taré, toi. Ouais. Commencer à dîner avant que tout le monde soit à table ? Non. On le fait seul ou avec d'autres personnes ? Tu peux le faire seul ou avec d'autres personnes. Et c'est à table que tu le fais ou... Oui, c'est à table. C'est au moment du repas. C'est quelque chose de très quotidien. Complètement. Okay. On se dit bon appétit ? Non. Chez nous, nous sommes 75% à le faire au moment du repas. Nous asseoir à la même place. Ah ouais. Et ben tu sais quoi, je réfléchis, je me dis je me mets tout le temps la même. Seul, tout le temps. Bah moi avec mon ex justement, on cassait la routine en s'asseyant à des places différentes ou en dormant pas à la même place dans le lit. Oh c'est génial. Ça a pas hyper bien marché. Oh là là, casser la routine. Dingo. Aujourd'hui j'ai mis ma brosse à dents à droite. Je devrais écrire un bouquin sur la routine des couples. Parce que moi je suis foufou. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Dans 3 minutes, juste après Georges Ezra, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on va écouter tous les messages que vous nous envoyez sur notre application. Les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico les écoute tous et il les partage avec nous. Et tout le monde aimerait avoir le secret d'une journée totalement réussie. Ah bah oui. Ah ouais. Ah ça vous arrangerait, oui. Eh ben je l'ai, et il est pour vous dans 3 minutes. Wow. Ah, cool. Je l'ai. Tu veux dire que dans 3 minutes, on va pouvoir passer une belle journée maintenant ? Ouais, normalement oui. Enfin, on va peut-être nous un petit peu attendre, mais ça va te plaire Manu. Tu vas voir. Oh, j'étais content il y a 2 secondes. Si, t'inquiète. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Like a song, on a song, on a song, on a song. 8h49, bienvenue sur Énergie. Oui, j'ai fait. C'est bizarre. Je sais, parce que je savais pas le mot que je voulais dire. Et en fait, ça fait un. Ouais. Donc, c'est en employé les bienvenus. On va écouter Zed avec Happy Now. Mais avant ça, voici les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Nicole et Lee tous. Yes. Et les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Mmh. Ils les écoutent tous et ouais. Ils les partagent avec nous. Bon, on va essayer de démarrer justement en répondant à quelques questions qu'on nous pose sur Twitter, Instagram et Facebook. Okay. Ah ouais, les questions. On démarre avec Hugo qui dit c'est l'anniv de ma nièce de 5 ans mercredi. Faut lui offrir quoi? Ah. Alors à 5 ans tu peux te souvenir. Parce que 1 an, 2 ans, 3 ans tu te souviendras ouais, pas. Donc voilà, c'est plus pour toi. À 5 ans tu peux te souvenir quand même. Donc ça peut être ça peut être important. T'offres un jouet qui fait du bruit. Ça marche toujours, ça les distrait, ils aiment bien ça quand ça fait du bruit. Ouais, t'offres un sifflet alors. Pensez aux parents hein, avec les jouets qui font du bruit quand même. Alors moi je me rappelle que pour un pote, il avait un enfant de 3 ans, je lui ai offert une batterie. Oh non, mais c'était clairement pour emmerder les parents. Bah oui, c'est clair. Et vraiment, je me suis marié à l'offrir. Non, à 5 ans, ce qui est super, c'est la dinette ou la poussette, ça marche super bien. Ah ouais? Ouais. Ou même le doudou, ou même des tu sais, tout pour dessiner, coller, découper, tout ça, c'est parfait. Tu sais, moi, à mon époque, un morceau de laine, on s'amusait. C'est marrant, hein, nos grands-parents se sont vraiment fait chier avec la laine. Hein. C'est vrai. Bon, une autre question de Charline sur Instagram maintenant. Vous en pensez quoi du gant de toilette? Tout simplement. Non. Alors là, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'utilisais un gant de toilette. Ouais. Mais depuis, je ne sais même pas s'il s'en va encore. Moi, je trouve que c'est mieux la fleur de douche parce que ça mousse plus. Ça fait de la mousse partout. Alors, pareil pour la fleur de douche, je ne connais pas. Mais pour moi, c'est des nids à microbes, ces trucs-là. Mais moi, j'y touche pas, moi. Mais j'utilise ma main, là. Ma main rêche. C'est Nico qui a une fleur de douche. Ouais, j'adore la fleur de douche. C'est beaucoup plus hygiénique en plus qu'un gant de toilette, effectivement. Mais c'est quoi exactement? Une fleur de douche, bah on dirait un truc un peu, tu sais, les trucs de danseuse là, en tulle, là, je sais pas quoi. Là. Ouais. Et ben c'est ça, en fait, tu te frottes, effectivement, ça te fait une peau douce. Ouais. C'est génial. Ouais. Je te jure, tu devrais essayer. Manu, je t'en offre une. Non, mais non, j'ai dit non déjà. Bon, maintenant, juste un petit message de Nina, Manu, qui va te faire plaisir. Elle dit Manu, j'ai fantasmé sur toi cette nuit et tu étais un bon coup. Voilà. Ah. Il n'y a pas de question, mais c'est juste sympa de te le dire. Elle a bien dit que j'ai fantasmé. Ouais. Et une dernière question qu'on a reçue sur Twitter de Martin. J'ai dit je t'aime à ma nana pour la première fois. Par SMS, du coup elle est vexée, c'est vexant par SMS ou pas? Je t'aime pour la première fois par SMS, ouais. Compliqué. Hein. C'est par SMS, c'est au bout d'un moment où tu dis, genre, tu dis un truc, j'arriverai en retard, je t'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, le pauvre, moi je trouve que c'est mignon, ça veut dire qu'il avait peur de lui dire en face et il l'a fait par SMS. Honnêtement, un mec, pour la première fois, il dit je t'aime par SMS, tu vas que. Non, mais le soir, je lui dis vas-y, redis-le en vrai, là, maintenant, devant moi, mais. Ouais. Mais je trouverais ça mignon quand même. Oh ouais. Ouais. Bah déjà, je t'aime, c'est mignon. Ça honnêtement, fait plaisir. Je connais aucune nana qui dirait que c'est mignon. Hein. Ah ben non. Ah ouais, non. Ouais, ouais. Mais ça dépend du contexte. C'est, franchement, c'est dur de juger comme ça. Parce qu'il peut être très timide. Vous savez quoi, toutes les deux vous êtes mais c'est vrai. Il n'ose pas lui dire en face. Isa, vous êtes des grosses menteuses toutes les deux. Mais n'importe quoi. Ouais. Bien sûr que si. Oui. On vous le fait, je suis sûr que vous pétez les plombs. Mais oui. Bon, bien sûr, vous faites genre là, vous êtes, vous compatissez tout ça. Mais vous êtes des diablesses. Bon, on va écouter vos messages. Ouais, on en reçoit aussi beaucoup des messages vocaux sur notre application Maillon 6-9. Et par exemple, celui-là, c'est un homme pour qui la semaine démarre plutôt très bien. Voilà, je suis en RTT, j'ai déposé les gosses à l'école, ma femme est au travail. Moi, je vais pouvoir me passer ma journée devant la console. Bonne journée à vous. Mm-hmm. Ah, sympa. La console. Il kiffe, là. Hein, la journée devant la console, putain, c'est... Et alors? Bah rien. Et alors, bah non, mais c'est très cool. Attends, le mec il est en RTT, je vous avais dit tout à l'heure que c'était cool pour démarrer la semaine. La solution c'est ça quoi. Ouais. C'est que le mec du coup se met derrière une console et il est très bien. D'accord, okay, bah, moi je suis pas pour. Tout le monde s'en fout en fait des messages que je fais écouter. Non, c'est non, ça. Hein. C'est que Manu connaît le secret depuis 20 ans quoi. Oui, c'est ça. 20 ans qu'il met ça quoi. C'est rien d'incroyable. Ok. Bon, l'autre. On finit en chanson du coup. Ah. Là, ça va être sympa. Manu, c'est tartiflette ce soir. Et demain ce sera raclette. On va les déguster, on va les dégommer, et après on se rabarque. Alors je ne connais pas l'expression on se rabarque, mais effectivement, tartiflette et raclette, c'est... Ah ouais. Soyez les bienvenus dans le monde de l'hiver, les amis. Ah ouais. Joli. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9, on les écoute tous. Z tout de suite sur Énergie, c'est le nouveau, s'appelle Happy Now. Bon réveil. You have